La psychologie de l'homme du Verseau, Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Alors. Bonsoir. Vous avez entendu Daniel Kemp certainement à l'émission Sommeil Interdit ces derniers temps. Tout le monde suit le roman feuilleton de Sommeil Interdit de Roger Drolette. On a appris successivement que Daniel Kemp était à la fois un bon catholique et cette nuit on a appris qu'il était tout à fait dans la ligne de pensée de Vatican II. Ce qu'il faut pas entendre tout de même. C'est bien mal le connaître, mais c'est ça le travail à la radio. Au milieu des lignes ouvertes. Mais je ne sais pas si c'est bien mal me connaître ou bien mal connaître Vatican II. Oui, peut-être l'un ou l'autre. Oui. Est-ce que tu as une position, toi, précise par rapport à Vatican II? Parce que je ne pense pas que tu as eu le temps de répondre à cet interlocuteur cette nuit qui t'a laissé sur cette impression. Bon, disons que les réformes de différentes églises ou de l'Église catholique se font régulièrement. Le pape qui a amené, c'est Jean XXIII, qui a amené la réforme de Vatican II, et je crois qu'à partir de là, plusieurs, c'est que les personnes qui dirigent les églises, à un moment donné, voient que le peuple ou que les fidèles commencent à prendre connaissance ou à prendre conscience de certaines réalités qui jusqu'alors étaient réservées aux prêtres ou à la haute classe de l'église. Et à un moment donné, pour éviter deux choses. Pour éviter soit que les fidèles deviennent trop infidèles par rapport à l'Église, mais deviennent fidèles un peu plus par rapport à leur propre intelligence, on va essayer de couper un peu l'herbe sous le pied. Et aussi, pour éviter que certains fidèles, parce qu'ils prennent conscience de certaines choses, comme les enseignements au niveau de la réincarnation ou de d'autres formes d'énergie, ne les assimilent pas et de cette façon commencent à créer des conflits qui pourraient être encore plus pénibles, sans doute, pour l'évolution de l'humanité que le fait d'empêcher la diffusion de ces connaissances-là. Alors donc, à un moment donné, on va couper l'évolution, la diffusion d'une connaissance, même si apparemment cela va nuire, parce que l'être humain n'est pas prêt à intégrer cette connaissance. Alors, il faut voir souvent qu'il y a beaucoup d'intelligence à travers les choses, si on les regarde d'une façon peut-être un peu plus cosmique ou plus extraplanétaire, plus éloignée, disons, du contexte humain. C'est sûr que si je me place dans le contexte humain et que je me dis, ben oui, mes crimes, à l'école, on m'a appris un paquet d'insalubrité sur différentes choses et quelques vérités à travers, je peux maudire ceux qui m'ont instruit. Mais est-ce que j'aurais été prêt, moi, à recevoir une instruction libre de toute coloration? Est-ce que j'aurais été prêt à le recevoir ou non? Alors ça, je ne me pose pas la question, je maudis tout de suite. Alors Vatican II a eu quand même a fait un travail qui était relativement intelligent par rapport à l'évolution de l'humanité chrétienne de cette époque. Autrement dit, on met les breaks en attendant qu'il y ait le temps de maturation nécessaire pour pouvoir communiquer cette information-là. Exactement, et ça crée un autre phénomène lorsqu'on met les freins comme Vatican II les a mis. Ça permet aussi aux personnes de pouvoir et de devoir douter de différentes choses d'une autre façon et ça les oblige à se prendre un peu plus en main. Alors évidemment, on va dire, celui qui ne voit pas se prend moins en main, mais celui qui ne voit pas, de toute façon, n'aurait pas plus vu s'il aurait eu la connaissance, et c'est peut-être un être qui aurait pu devenir dangereux. Et celui qui a la possibilité de voir, va peut-être voir un peu plus si on met les freins, parce que lui, il revole, il se tient moins après le véhicule, et c'est sans doute mieux. Alors, je pense qu'on ne peut pas critiquer, disons, Vatican II ou différentes réformes ecclésiastiques. Maintenant, le fait de retenir de l'information, de ne pas la divulguer prématurément, sur quoi est-ce qu'on se base pour ça? Est-ce qu'on se base sur l'âge mental ou psychique moyen de la population? Ça correspond à quoi, ça? Alors, voilà. Humainement, si on pose la question comme tu la poses, on va vouloir savoir qui est Jean XXIII, pour qui se prend-il, est-ce qu'il connaît toute la planète pour pouvoir décider de ce qui peut être diffusé, de ce qui ne doit pas être diffusé. Mais si on regarde plus cosmiquement encore une fois, disons, c'est un point de vue qui me plaît énormément lorsqu'on essaie, et ça, chaque personne peut le faire si elle essaie de s'exclure de sa propre vision psychologique pour pouvoir après ça commencer à intégrer un peu plus ce qui se passe. Alors, qui peut déterminer si tu peux savoir ou ne pas savoir? C'est facile. Le sais-tu? Non, tu ne peux pas savoir. Alors, est-ce qu'on peut maudire quelqu'un de ne pas diffuser? Si tu ne le sais pas, c'est que tu n'es pas prêt à le savoir. Et si la connaissance, ce n'est pas un robinet que tu ouvres et tu vas boire, ça vient à un moment donné, mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce qu'un homme ou un ordre ou une église te donne un savoir. L'Église n'a jamais empêché l'homme de savoir. L'Église a cessé de diffuser des choses qui lui appartenaient, des connaissances qu'elle avait, mais tu fais ce que tu veux avec ton linge. Par contre, l'homme ne pouvait pas savoir, pas parce que l'Église empêchait l'homme de savoir, parce que l'homme croyait que l'Église lui donnait le savoir. Et pensant que l'Église lui donnait le savoir, lorsque l'Église cesse la diffusion, l'homme cesse sa recherche. Parce qu'il se dit, je ne peux plus comprendre, je ne peux plus savoir, l'Église ne me donne plus. Mais c'est faux. L'homme, par son évolution, par son cheminement, apprend. Et c'est parce que l'homme s'en est remis dans les mains de prêtres ou de maîtres ou d'église que lorsque l'église coupe, ce qui c'est tout à fait normal, exactement comme si tu rends quelqu'un heureux parce que ça te plaît, la journée que tu décides de ne plus l'aider, il s'écrase. Et lui te maudit. Mais qu'il se prenne en main à un moment donné. Alors l'église a le droit de diffuser ou de ne pas diffuser, ça ne regarde pas l'être humain. Par contre, on pense, il y a un autre phénomène aussi qui est très important au niveau de la diffusion comme l'Église l'a fait, comme on le fait dans des écoles, c'est que tu intellectualises énormément de choses, mais tu n'arrives pas à intégrer les 3/4 ou même les 90% parce que ces connaissances-là ne t'ont jamais appartenu. Alors, c'est très bien que l'Église cesse ses diffusions. Alors, moi, je suis pour. Et d'intellectualiser ces connaissances-là, c'est un peu la fonction des théologiens. En fait, ce sont les gardiens du seuil dans ce sens-là, mais ils empêchent peut-être les autres d'aller à la mangeoire. Évidemment, ils empêchent le faible d'aller à la mangeoire. Par contre, le fort qu'on laisse aller à la mangeoire ne devient jamais fort. Alors, on est obligé de filtrer et on ne peut pas dire « Toi, tu es trop prêt, tu ne peux pas venir et toi, tu n'es pas prêt, viens. » On dit toujours l'inverse. « Toi, tu es prêt, viens et toi, tu n'es pas prêt, ne viens pas. » Alors, c'est un peu comme une auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte, en fait. Mais continuellement, sauf que l'homme a été instruit qu'il pouvait trouver ce qu'on lui donnait. Et ça, c'est une lacune présente, mais une chose qui était fondamentalement bonne à l'époque de ces religions-là, ou voilà quelques 4-5 000 ans, aller jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'homme a toujours l'impression que lorsqu'il rentre dans cette auberge qu'est l'Église, il devrait y trouver ce qu'il attend de trouver. Et parce que les prêtres ou parce que les seigneurs de l'Église n'ont pas placé ce que l'homme voulait, il maudit l'Église. Qu'ils ne maudissent pas l'Église. Qu'est-ce que tu fais quand une auberge ne te donne pas ce que tu veux? Je vais ailleurs. Bon, alors que l'homme fasse la même chose. Et c'est tout à fait bien et correct que cela se passe ainsi. Maintenant, ça peut toujours satisfaire 80% de la population. Pour l'instant. Ou 60, ou 50, évidemment. Ou 40. Hier soir, cette nuit, quand tu as répondu à cette question, là, on t'a demandé quel avenir tu entrevoyais pour les églises, pour les religions. Tu as dit que tu entrevoyais un grand avenir. Qu'est-ce que tu as voulu dire par cela? J'entrevois l'avenir que l'Église va vivre, qui est d'ailleurs un très bel avenir, un très grand avenir, qui est lentement la désintégration des églises pour libérer les fidèles et les hommes qui dorment afin que ces personnages-là puissent arriver en fin de compte à ce que l'Église a toujours voulu, mais que l'Église a toujours restreint par manque d'évolution et manque de compréhension des personnages même de l'Église comme des fidèles. Et donc, à un moment donné, l'Église va libérer l'homme parce que l'homme va être libérable. Alors, elle a joué vraiment un rôle de mère, notre mère l'Église, dans le sens qu'on était des petits-enfants. Exactement. Qui apprenions à marcher. Sauf que la mère, l'Église... Et aujourd'hui, elle doit nous lâcher la main pour qu'on puisse se tenir debout. La mère, l'Église, va faire le même travail que la mère ours. L'ourson ne veut pas laisser la mère ours. Et la mère ours lui donne 3-4 baffes en plein visage. Elle le mord suffisamment sauvagement pour que l'ourson sacque son camp. L'ourson s'en va, il commence à vivre une vie d'ours. Il devient adulte. Parce que sinon, l'ourson, si la mère disparaît ou si la mère meurt, si l'ourson reste avec trop longtemps, l'ourson n'apprendra pas à vivre. Parce que c'est surtout quand tu es jeune que tu apprends pas, quand tu es cristallisé dedans une conception d'adulte. Alors, l'Église va faire la même chose. Elle va, à un moment donné, pousser l'homme à s'en aller. Est-ce qu'on en est au stade aujourd'hui de la petite enfance ou bien de l'âge adolescent? Non, petite enfance. On en est encore au stade de la petite enfance. Mais l'homme peut vieillir rapidement quand même. Mais tu as ajouté en fin de parcours que si les églises avaient un grand avenir, il n'y avait pas là de place pour l'homme nouveau au sein de ces églises. Évidemment, l'homme nouveau va naître à l'extérieur de l'Église en tant que fidèle. Certains hommes nouveaux vont travailler au sein de l'Église, mais en tant qu'opérateurs d'Église. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas des croyants ou des fervents. Ça va être, au niveau de l'homme nouveau dans les églises, ça va être des archevêques, ça va être des papes, ça va être du monde dans le genre. Ça ne sera pas le simple fidèle qui va à l'église, qui lui va être un homme nouveau. Pour la simple raison que tu ne peux pas... Est-ce que le Nazaréen allait à la messe? Alors on va dire non, il croyait à la messe. Ben c'est ça, mais il n'allait pas à la messe. Pourquoi? Parce qu'il était suffisamment dans son intelligence, dans son énergie, pour avoir un contact lorsqu'il le voulait avec des énergies supérieures que lui appelait son père, et ce n'était pas nécessaire pour lui d'aller à la messe. Les seules fois où on va parler du Nazaréen qui se met à genoux pour prier, c'est lorsqu'il le fait devant ses apôtres, pour montrer certaines choses aux apôtres. Et lorsque le Nazaréen enseigne à se mettre à genoux, ce n'est pas pour enseigner à l'homme que l'homme est médiocre. C'est pour enseigner à l'homme que l'ego de l'homme, que le « je suis » dans l'homme, ne mène pas sa destinée. Que l'homme est manipulé. Et que l'homme va être manipulé par ses propres instincts, donc par sa propre mémoire psychologique, ou l'homme va être manipulé par Dieu. L'un ou l'autre. Et ce que lui appelle si Dieu... Si tu parles de Dieu, il faudrait définir le voilà. Concept immédiatement. Oui. Et voilà. Ce que lui appelle Dieu, ou ce que nous avons prédécrit par la suite dans la Bible ou dans les livres saints par Dieu, c'est ce que présentement, moi, je vais appeler l'énergie supramentale. C'est-à-dire une énergie supérieure au mental, de par... D'ailleurs, c'est de ça qu'on va parler ce soir, la psychologie de l'homme nouveau. Quel genre de psychologie l'homme supramental ou l'homme en contact supramental va pouvoir vivre sur le plan planétaire? Et pour moi, il n'y a pas de Dieu dans le sens défini et préétabli par l'homme ou par les religions organisées. Maintenant, il n'y a pas de Dieu pour la simple raison que le Dieu est toujours un père protecteur qui vient aider l'homme. Et même si l'homme, depuis le début des temps, a la preuve irréfutable et quotidienne que c'était une chose n'est pas, parce que chacun prie et chacun n'a pas sa réponse. Parce que, différemment, si on regarde les différents peuples, si on regarde les différentes religions, chacun demande des choses différentes, chacun maudit l'autre, et c'est toujours un Dieu. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Les fervents du monothéisme vont dire non, il y a juste un Dieu. Alors, comment pouvons-nous avoir seulement un Dieu et faire comme j'ai déjà vu dans un salon sur les religions? On a Allah est le seul Dieu. Et un autre à côté, Mahomet est le seul vrai. Bon, mais à un moment donné, c'est toutes des seuls vrais dieux placés dans un monde où on peut toutes les prier. Il y a des énergies qui sont présentement supérieures à l'ego humain. Et ça, il faut bien comprendre ça à un moment donné. Lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons de quel homme? L'homme est d'accord pour dire que Dieu est dans lui. Par contre, l'homme refuse totalement de laisser ce Dieu parler pour lui. Et même que l'homme va parler pour Dieu. Alors, ce problème, si moi je dis, je suis totalement d'accord avec l'homme, avec la haute sphère spirituelle qui va dire que cette énergie divine, prenons-la, disons, appelons-la comme ça pour l'instant, cette énergie supérieure à l'ego, donc appelons-la Dieu, est dans l'homme. Je suis entièrement d'accord. Et si moi je dis, on devrait, tout le monde, arriver à la laisser s'exprimer. Tout le monde est d'accord. Et si moi je dis, moi je vais tout faire pour qu'elle s'exprime, tout le monde pense que je me prends pour un autre. Et si moi je dis, ça s'exprime, on veut pas. Alors, ce mécanisme chez l'homme est un mécanisme qui est relié à des caractères d'involution qui sont typiques chez lui. L'homme évolue réellement par l'expérience, mais l'homme ne connaît pas, l'homme ne sait pas encore comment il peut faire pour se pousser. Et se pousser est impossible, c'est-à-dire que tant que l'homme ne le sait pas, il ne peut pas se pousser, puis quand l'homme le sait, ben ça se pousse tout seul, là, ça va bien. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je suis totalement d'accord. Maintenant, l'homme, qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est vous autres. Évidemment, l'homme et la femme, il faut s'entendre. La langue française a certaines lacunes, mais l'homme, c'est le mâle et la femelle. Et qu'est-ce que c'est l'homme? Eh bien, l'homme, il y a l'ego chez l'homme. Il y a celui qui s'identifie, celui qui refuse de laisser des énergies supérieures parler à sa place. Et celui-là va accepter qu'une énergie supérieure parle à la seule et unique condition que cette énergie apparemment supérieure vienne flatter son ego. Et là, l'ego accepte de se passer. Là, l'ego a une mission divine. Là, l'ego a la mission de sauver l'homme. Donc, l'ego est supérieur à l'homme. Puis, s'il est supérieur à l'homme, ben là, il est prêt à accepter ce poste-là. Puis, là, automatiquement, il peut laisser ce que lui appelle une énergie supérieure, qui est totalement inférieure à l'homme, le traverser et commencer à le manipuler. Mais lorsque l'homme nouveau commence à comprendre, lorsque l'ego, parce que l'ego, c'est fou, Mais c'est intelligent. Et lorsque l'ego commence à comprendre, et c'est ça qui est le phénomène de se mettre à genoux, par exemple, pour prier, c'est l'ego qui doit s'écraser parce que lui ne peut rien faire. Et l'ego laisse l'homme réel, ce que l'ego peut appeler Dieu, commencer à travailler. Alors, lorsque l'homme nouveau, lui, entre en contact avec une énergie supérieure, il ne se met pas à genoux devant. Parce que l'homme n'est pas inférieur en termes de qualité à cette énergie supérieure. Et cette énergie supérieure n'est pas supérieure en termes de qualité, elle est supérieure en termes de constance, en termes de vibration, en termes de détendue, en termes de conscience, mais pas en termes de qualité, dans le sens égo-psychologique humain. L'énergie supérieure, Dieu n'est pas meilleur que l'homme et l'homme n'est pas moins bon que Dieu. Mais l'ego ne veut pas accepter ça parce que l'ego n'est pas capable de s'assumer. L'homme, présentement, lorsque je dis que l'homme est un être extraordinaire, si je mets beaucoup d'énergie sur le terme extraordinaire, on ne veut pas l'accepter. Lorsque je dis que l'homme est capable de se prendre en main, plusieurs vont dire « voyons donc ». Mais l'homme est capable de se prendre en main. Et qu'est-ce qu'il y a de réellement inintelligent à dire ceci? Que ce soit vrai, que ce soit faux, de toute façon, moi je le dis puis ça me regarde, puis vous autres, vous l'écoutez puis ça vous regarde. Mais l'homme où j'ai le plus de résistance, où la société m'oppose le plus de résistance, c'est quand je dis que l'homme est capable d'agir, que l'homme est capable de créer, que l'homme est capable de se prendre en main, et que l'homme est surtout capable de laisser des énergies supérieures à son ego qui l'habite commencer à s'exprimer. Et là, l'homme va devenir efficace et l'homme va cesser de souffrir. Et l'homme va comprendre des mécanismes. Et là, on ne veut pas. Là. C'est de l'utopie, c'est de la folie, c'est de la dictature, c'est mettons-en des termes. Alors, on voit déjà que tu fais une différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau, dans le sens qu'il y en a un qui laisse de la place à cette énergie-là pour s'exprimer au travers de lui. C'est-à-dire que l'ego de l'homme nouveau laisse la place à l'énergie de l'homme nouveau pour que celle-ci puisse s'exprimer. Alors, sur le plan... On parle de ciel dans la religion, on parle de paradis, on parle de Dieu, on parle d'ange, on parle d'archange, on parle de différentes choses, on parle des séraphins. On parle de mondes parallèles. Et à un moment donné, on arrive à ne plus comprendre ces mondes parallèles parce qu'effectivement, ils ont été suffisamment charriés. Ils se sont charriés eux-mêmes et puis on les a charriés, on les a aidés un peu aussi. Lorsque je prends de nouveaux termes pour essayer de définir des anciennes conceptions, on va résister. Et lorsque j'essaie de rectifier les conceptions qu'on enseignait, on résiste encore. Et si je dis qu'il n'y a pas de monde parallèle, alors on résiste encore. Alors, il y a un monde parallèle et je le connais, plusieurs vont résister. Il n'y a pas de monde parallèle, plusieurs vont résister. Il y a un monde parallèle et personne ne le connaît, plusieurs vont résister. Alors, donc, il y a du monde qui le connaît, tout le monde est d'accord. Je suis un de ceux-là, on résiste encore. Et c'est quand tu pointes pour moi, c'est comme ça pour tout le monde. Si à un moment donné, il y a quelqu'un ici dans le public qui commence à avoir un point de vue qui est de plus en plus planétaire, donc il s'éloigne du contexte exclusivement humain, on va le renier. À moins qu'il parle au nom d'une institution vénérable ou au nom d'une autorité d'une idéologie ou de ses diplômes. Mais ou de quoi que ce soit autre que lui. Mm-hmm. Alors, souvent, on me demande, surtout à la radio, parce qu'ici, disons que la communication est différente, quel bagage avez-vous? Et moi, j'ai toujours le goût de répondre. Pourquoi? Parce que le bagage va déterminer si vous me croyez ou non. Mais vous devriez être capable, de par votre propre intelligence, de déterminer si ce que je dis a de l'allure ou non. Pas à partir du bagage que j'ai. Et ça, il faut que l'homme le comprenne à un moment donné. Mais l'ego n'est pas capable présentement de s'assumer. L'ego, vous autres, vous les humains, je suis un humain, mais je parle pour l'instant de vous autres, vous êtes au même niveau que moi. Vous êtes comme moi. La seule différence, c'est que certains l'ignorent et la majorité le refuse. Et lorsqu'une personne dit « Ah ben oui, moi c'est vrai que je suis capable. » Mais moi, je ne le dis pas ça. Pas dans cette énergie-là. Cette personne-là s'imagine qu'elle est capable. Et l'ego ne peut pas être mon égal. Par contre, l'homme réel qui est dans chaque personne, l'homme qui évolue réellement, l'homme réel n'évolue pas, mais l'homme qui tend à s'exprimer de plus en plus chez l'homme égoïque, ce que nous appelons l'évolution, lui, c'est mon égal. Sauf que, prenons, je peux communiquer avec des enfants de temps en temps et j'ai presque plus de communication intelligente avec un enfant que j'en avoir avec des adultes. Et l'homme évolue. Donc, je ne peux pas dire que l'adulte est pire que l'enfant. Sauf que l'adulte, de plus et plus il va apprendre certaines choses, plus il va placer des références chez lui. Ça, c'est le problème. Il est de moins en moins authentique. Automatiquement, il ne peut pas être authentique parce qu'il se réfère continuellement à des choses qu'il a apprises, tandis que l'enfant se réfère à ce qu'il sent comme vibration. Et c'est une émotivité qui est mentale, si on peut parler, disons, de ce terme-là. Il ressent des choses et il répond par rapport à ce qu'il ressent, c'est-à-dire qu'il vit. Et plus l'enfant va vieillir, donc on parle de l'adolescence, on parle du jeune adulte, on parle de l'adulte mûr, plus cela va avancer dans son évolution, moins il va être authentique. Plus il va être falsifié. Et il ne peut pas endurer quelqu'un d'authentique devant lui. Donc il résiste. C'est la raison pour laquelle un égo ne peut pas donner de crédit à un autre égo, à moins qu'il ait devant lui une autorité qui soit reconnue ou aussi falsifiée que la sienne. Exactement. Donc, il a besoin que d'autres accréditent ce qu'il dit pour pouvoir l'accréditer. Et ça, je ne veux pas que ça se passe ici. Pas dans mes conférences, en tout cas. Alors, je n'ai pas d'antécédent. Je n'ai rien, mais je n'ai pas besoin. Et l'homme n'a pas besoin. Parce qu'on se fie, puis ça, essayez juste de comprendre ce mécanisme. On se fie continuellement à ce que d'autres ont écrit, mais ceux-là se sont fiés à qui pour les écrire? Ben, eux. Alors, pourquoi faut-il attendre qu'une personne soit morte et qu'elle ait écrit pour qu'on commence à parler en faisant référence à cette personne? Oui, mais Pythagore disait, il a pris ça où, Pythagore? Il a dit ça dans quel livre? Ah non, ben lui, Pythagore, c'était un gars intelligent, puis il créait. Oui, mais Einstein, il a pris ça où, Einstein? Ah oui, mais Einstein, bon. Oui, mais dans la cosmogonie d'Urantia, le gars qui l'a écrit, il a pris ça où? Ah, mais le gars, il était connecté. Alors, vous ne pouvez pas être connecté, vous aussi, à un moment donné? Ah oui, ben nous autres, moi, j'étais un homme normal. C'est d'être normal. On a plein de raisons, mais plein d'excuses. C'est sûr que dans le début, dans l'homme transitif, à un moment donné, l'homme ne sait pas si c'est son ego ou si c'est l'être authentique qui communique. Mais ça, c'est pas grave. Que vous le sachiez ou que vous l'ignoriez, ça n'a pas d'importance. Si vous voulez le savoir, c'est votre ego qui tient à pouvoir se valoriser que de temps en temps, il laisse la place à l'homme nouveau. Posez-vous pas ce genre de questions, puis vivez. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'homme? Alors, on va parler un peu plus de l'homme nouveau, de l'homme du Verseau, de la psychologie de l'homme du Verseau. Psychose ou psychologie vient du terme qui signifie étude des mécanismes du mouvement de l'âme. Ce que veut dire psychologie. Et on peut le traduire de temps en temps par science qui étudie l'âme, parce que psychose veut dire âme. Et c'est extrêmement bien défini, parce que psychologie, effectivement, étudie l'âme. Les mémoires, les désirs, c'est réellement l'âme. Alors, j'explique un principe ce soir qui est neuf. Cela veut dire que vous ne me demandez pas où j'ai lu ça, ça n'a jamais été écrit, et ça n'a sans doute jamais été dit. Est-ce que je suis supérieur parce que je dis des choses qui n'ont jamais été dites? Absolument pas. Parce que plusieurs personnes peuvent compter n'importe quoi et dire des choses qui n'ont jamais été dites et sont inférieures. Alors, je ne dis pas ceci pour pouvoir me valoriser. Je vous dis ceci simplement pour que vous compreniez que c'est à vous de déterminer ce que vous faites avec ce que je vais dire ou ce que vous ne faites pas. Ou si vous placez ça dans un tiroir en attendant de pouvoir le vérifier un jour ou en attendant de l'oublier. Ça n'a aucune importance. Mais je veux que vous compreniez que vous êtes libre. Ce n'est pas parce que vous écoutez un conférencier, un orateur, que vous devez vous assujettir. Alors donc, il ne peut pas y avoir de lutte d'opinion entre vous et moi parce que moi, je n'ai pas d'opinion. Je dis des choses et lorsque je parle, il se trouve que j'apprends souvent. Et c'est normal d'apprendre lorsque nous parlons. Si on a un bonhomme dans l'Antiquité qui a dit que de la discussion jaillissait la lumière, c'est justement parce que lorsque l'homme parle, l'homme apprend. Et lorsque vous discutez d'un problème, vous amenez une solution que vous ne connaissiez pas avant de commencer à parler. Vous passez par les mêmes processus que moi. J'en suis peut-être un peu plus conscient et ça ne me met pas supérieur à vous, ça me met différent. Et je parle. Et de toute façon, souvent, vous êtes relativement bien conscient pour pouvoir exprimer des énergies créatrices, des énergies nouvelles, pour dire des choses qui sont neuves. Mais vous ne vous accréditez pas suffisamment, c'est-à-dire que vous ne vous trustez pas. Vous préférez avoir confiance à vos mémoires, à votre apprentissage, qu'aux choses neuves que vous sortez. Et c'est ce qui fait une différence peut-être entre moi et la majorité des humains, c'est que moi, je ne fais confiance ni à mes mémoires, ni à ce que je dis. Alors, ne faites pas confiance à vos mémoires et ne faites pas confiance à ce que je dis, vous aussi. Par contre, je parle et je m'écoute. Si ça a de l'allure, je prends. Si c'est applicable, j'applique. Sinon, tant pis. Et lorsqu'un jour je reparlerai ou que j'aurai à réagir, à reagir, je verrai si je m'exprime de la même façon. Et si ça a de l'intelligence, je l'appliquerai. Si ça n'en a pas, je ne l'applique pas. On ne peut pas faire de guerre d'opinion parce que votre opinion, c'est votre mémoire, mais ce n'est pas quelque chose que vous appliquez, c'est quelque chose que vous défendez. Et l'énergie que vous placez à défendre une opinion vous empêche de saisir d'autres choses. Alors, le mécanisme de l'homme nouveau est de la fusion entre l'homme ancien et l'énergie supramentale qui va amener la naissance du surhomme, de Robindo ou de l'homme nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il faut comprendre, la semaine prochaine, on va parler de la femme. Alors, évidemment, il y a donc une différence majeure entre le travail de la femme et le travail de l'homme, entre l'évolution de la femme et l'évolution de l'homme, ainsi que dans l'évolution infantile de l'être humain. Alors, on aura aussi une dernière conférence avant mon voyage au Pérou sur la psychologie de l'enfant nouveau ou de l'enfant du Verseau. Sachons de prime abord que le corps planétaire de l'homme qui s'exprime présentement contient quatre formes de polarité qui sont interposées chez l'homme et chez la femme. C'est-à-dire que l'homme a un corps qui, dans notre vocabulaire imbécile, porte le nom de polarité positive. Et la femme a un corps qui, dans le même vocabulaire, porte le nom de polarité négative. Alors, on a une polarité masculine et féminine. Aucune des deux est supérieure à l'autre. Ils sont différents. Et ça, c'est important que l'homme comprenne ce que c'est qu'une différence. La différence chez l'homme ancien implique automatiquement une supériorité par rapport à une infériorité. Mais c'est faux. C'est différent. C'est pas supérieur ou inférieur. J'expliquais dernièrement que mon automobile à moi est supérieur en vitesse à un bulldozer, mais est inférieur en travail au bulldozer. Ils sont différents. Est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre? Non. Une complémentarité dans ce sens-là. Ils se complémentarisent dans certains événements. Sinon, ils ne se regardent pas, ils n'ont rien à voir, mais il n'y a pas de supériorité. Le corps vital de l'homme, ce qui anime la matière de l'homme, chez le mâle, le corps vital est féminin. Et chez la femelle, le corps vital est masculin. La psychologie de l'homme, le corps astral de l'homme, son corps émotif, chez le mâle, cela est masculin. Et chez la femelle, cela est féminin. Et au niveau mental, dans l'énergie de l'intellect ou l'énergie du mental, chez l'homme, chez le mâle, le mental est féminin. Et chez la femelle, le mental est masculin. Ce qui fait que la femme ancienne, dans son expression de la recherche évolutive, est une personne qui adore recevoir. Et pour comprendre, disons, le mécanisme intensif de la demande de la femme dans son évolution comparativement à l'homme, qui est un être qui a besoin de donner. Et je parle de donner d'une façon énergétique et je parle de recevoir d'une façon énergétique. Évidemment, la femme, pour recevoir, est prête à donner matériellement. Évidemment, l'homme, pour pouvoir donner, est prêt à recevoir matériellement. Il faut comprendre que ces deux mécanismes d'évolution sont totalement apparemment opposés parce que l'homme et la femme sont de polarités différentes sur tous les plans. Ce qui fait que si nous parlons de l'évolution au niveau vital, au niveau de l'énergie, de ce qui entretient la vie, donc au niveau de l'énergie aussi de la procréation, l'homme est un grand donneur de cette énergie. Et l'homme va le donner par le biais de la sexualité. Par contre, la femme, elle, va être une grande... Elle va rechercher de l'énergie. Et ce n'est pas nécessairement au niveau du plan vital qu'elle a besoin de l'énergie de l'homme, parce qu'au niveau du plan vital, elle est constituée comme l'homme, c'est-à-dire qu'elle peut donner. Son corps vital est masculin, il donne. Son corps physique est féminin, il reçoit. Son corps, d'ailleurs, on peut regarder au niveau de l'anatomie féminine, il reçoit. Son corps psychologique et féminin, il reçoit. La femme a besoin de recevoir des énergies. Mais au niveau du plan vital, elle n'a pas besoin d'en recevoir, elle peut donner. D'ailleurs, elle enfante. Elle peut donner. Donc, elle n'a pas besoin de sexualité comme l'homme en a besoin, pour la simple raison qu'elle est polarisée au niveau masculin, au niveau de son énergie vitale. Et la sexualité, c'est de l'énergie vitale, l'énergie de la vie, de la procréation. Et l'homme, lui, par contre, au niveau physique, il a besoin de donner, parce qu'il est masculin. Et masculin par rapport en termes de polarité, non pas en termes de masculin-mâle. Le mâle est masculin, a une polarité masculine. Il donne physiquement. Au niveau de l'énergie vitale, l'homme peut recevoir. Au niveau de l'énergie psychologique, encore là, l'homme a besoin de donner énergétiquement. Évidemment, son ego s'en ressent et adore ce mécanisme. Ce qui fait que l'homme, dans son expression sexuelle, est un être qui a besoin de donner, qui a besoin de relations sexuelles, qui a besoin de mécanismes que la femme n'a pas besoin. Par contre, au niveau psychologique, l'homme a, évidemment, il y a l'éducation, il y a différentes choses, une transposition d'ordre vital au niveau du plan psychologique. L'homme n'a pas besoin de la même affection ou de la même expression d'énergie ou d'échange d'énergie psychologique, que la femme. Ces mécanismes font que la femme évolue dans un contexte où elle a besoin, au niveau du plan psychologique, donc au niveau du plan astral, et la femme est donc un véhicule parfait pour pouvoir énergiser le plan de l'astral planétaire, le plan de la spiritualité collective, le plan de la collectivité pensante. La femme va être le véhicule le plus adéquat pour pouvoir astraliser le contexte planétaire, tandis que l'homme va être le véhicule le plus adéquat pour intellectualiser le contexte planétaire. Donc, la femme va être beaucoup plus intuitive et va être reliée à des mécanismes psychologiques planétaires au niveau de l'intuition, tandis que l'homme va être normalement beaucoup plus intellectuel et va pouvoir être manipulé au niveau de la création de l'intellect. C'est-à-dire que la femme va trouver des choses belles et l'homme va trouver des choses techniques. Rares sont les femmes qui vont adorer un véhicule automobile. Souvent, l'homme, oui, par rapport à la puissance, par rapport à un gros camion, des choses en genre. La femme s'exprime différemment, et au niveau de l'évolution planétaire, la femme agit différemment. Ces mécanismes, on en a vu, on les a souvent, disons, élaborés dans les conférences antérieures, et on va parler de l'homme nouveau. Donc, la semaine prochaine, on va aborder le phénomène de la femme nouvelle, parce que le fait de toujours parler de l'évolution de l'humanité au niveau de la race humaine, donc comprenant la femme et l'homme, crée certains problèmes parce que de temps en temps, si c'est un homme qui parle, il va avoir tendance, même s'il parle de l'humanité, à donner des explications beaucoup plus pour l'homme parce qu'il est un homme. Donc, lorsque l'énergie passe, moi, j'adapte. Évidemment, j'apprends, donc je m'instruis, ce qui fait que c'est beaucoup plus adapté à l'homme qu'à la femme. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, on va, disons, traiter plutôt de la femme. Évidemment, l'homme, c'est intéressant pour l'homme parce qu'il va apprendre à comprendre des mécanismes chez la femme. Mais on va parler de la femme parce que son évolution est quand même différente de celle de l'homme. Ils n'ont pas les mêmes fonctions et ils ne peuvent pas opérer de la même façon et ils ne peuvent pas comprendre de la même façon et ils ne peuvent pas comprendre les mêmes choses en même temps. Et c'est tout à fait normal. L'homme, le mâle. Donc, ce soir, nous parlons du mâle. Et lorsque je parle de l'homme, je parle du mâle. La semaine prochaine, nous allons parler de la femme et nous parlerons de la femme. Donc, ce soir, je parle de l'homme, du mâle. L'homme ancien, donc l'homme présent, a un ego. Il a une sphère dans laquelle il s'identifie. Cette sphère, vous pouvez la repérer facilement chez vous. C'est cette sphère qui tend à lutter pour défendre son visage, son image. C'est cette sphère qui a peur. C'est cette sphère qui a des désirs de réussite. C'est cette sphère qui tient en contact avec Dieu. C'est cette sphère qui s'ennuie. C'est l'ego chez l'homme. C'est l'homme psychologique. Et c'est l'âme. Cet ego, elle vit. Elle baigne dans une atmosphère que nous appelons l'âme, d'une façon religieuse comme d'une façon ésotérique. L'âme de l'homme préserve l'intégrité totale de l'identification de l'ego. Si vous perdez votre âme, vous perdez en même temps votre identification. Donc, vous devenez des êtres vivants qui ne peuvent pas évoluer et qui ne peuvent pas non plus prendre conscience de leur vie. L'âme est nécessaire chez l'homme parce que l'âme va permettre la création d'un corps supramental, donc d'un corps différent du corps physique, dans un monde parallèle, dans le monde dans le monde que nous appelons énergie supramentale, dans le plan supramental, qui est parallèle au plan planétaire de l'homme. Et disons qu'on peut faire des rapprochements avec un ciel ou un paradis, mais encore là, ce serait un rapprochement qui serait faux. C'est-à-dire que le paradis où l'homme va à un moment donné avoir à vivre, où l'homme va après sa mort, la mort de l'ego, mais après la mort physique, l'homme pense qu'il va revivre dans un autre corps, c'est une coloration totalement marquée de ce qui se passe en réalité et qui a été perçu un jour par certains hommes sur le plan planétaire, et ceux-là l'ont communiqué d'une façon colorée, ajustée. Alors, voilà ce qui arrive. L'ego de l'homme va lentement s'auto-désintégrer, c'est-à-dire s'auto-digérer, et en même temps, il va entraîner la digestion de l'âme, c'est-à-dire que au fur et à mesure où l'homme ancien, l'homme transitif, prend contact avec ce nouveau plan. Il a toujours été en contact avec ce plan, d'une façon très limitée, mais l'homme n'avait pas conscience. Et lorsque je dis « prend contact avec le plan », c'est lorsque l'homme arrive à prendre conscience de l'existence de ce plan. Et au fur et à mesure que l'homme ancien prend contact avec le plan supramental, donc avec ce plan d'intelligence instantanée, ce plan neuf pour l'homme, il va lentement, par l'intermédiaire de différents mécanismes qui sont connus sous le terme d'ajusteur de pensée, de diaphragme, il va laisser lentement cette énergie nouvelle le traverser et venir instruire son ego. L'ego, lorsqu'il sera instruit, c'est-à-dire lorsque votre ego, va commencer à connaître l'homme nouveau qui vous habite, mais qui n'a pas encore commencé à parler ou commencé à transparaître. Lorsque l'ego va commencer à connaître, il va avoir tendance à laisser sa place à cet homme. Laisser sa place à cet homme veut dire qu'il va laisser sa place dans la conscience de l'homme. Cela veut dire qu'il devra lentement diminuer. Et effectivement, on sait très bien que l'homme qui n'a pas d'ego peut arriver à exprimer des énergies que l'homme ancien appelle énergie divine. Au fur et à mesure que l'ego de l'homme ancien se rapetisse, se désintègre, il se passe ceci. Le canal entre l'énergie supramentale et l'homme, donc entre l'homme réel et l'homme ancien, entre l'homme réel et l'ego, l'homme psychologique, permet un travail, une communication non pas à sens unique, mais à sens bipolarisé. C'est-à-dire que ce qui passe de l'énergie supramentale peut descendre chez l'homme, donc dans l'ego, et les parties de l'ego qui sont détruites ne sont pas détruites. La science sait que dans notre contexte évolutif, rien ne se crée et rien ne se perd. Et lorsque l'homme arrive un jour à pouvoir assumer sa connaissance, ce que l'homme ancien va dire, va exprimer de cette façon, lorsque l'homme arrive à être Dieu, à laisser le Dieu s'exprimer en lui, c'est ce que l'homme ancien, disons, c'est une coloration interprétative du mécanisme supramental. Il faut absolument que l'ego disparaisse, que l'ego se volatilise. Mais l'ego ne peut pas être détruit dans le sens d'une désintégration atomique, moléculaire. C'est-à-dire que l'ego ne disparaît pas du contexte d'expression existentielle de la planète ou de l'univers. L'énergie supramentale descend, elle instruit l'ego, et pendant ce temps, l'ego, l'âme, le plan astral que l'homme doit détruire, parce que l'homme doit détruire son âme, pas l'ego, ne peut pas détruire son âme. L'homme réel doit détruire son âme, c'est-à-dire que l'homme réel doit faire évoluer son âme. Et si on parle de faire évoluer l'âme, c'est que l'âme antique, telle qu'elle s'exprime, ne doit plus exister pour qu'une autre chose puisse s'exprimer. Et chaque fois que vous vous améliorez, prenons un homme qui est colérique, lorsqu'il n'est plus colérique, l'homme colérique en lui a été détruit, c'est-à-dire qu'il a été transmuté en homme pacifique. Alors, il n'y a pas de destruction. Alors, lorsque je dis que l'homme doit détruire son âme, c'est que l'homme doit faire en sorte que la façon dans laquelle une forme d'énergie s'exprime, l'âme, doit être transmutée énergétiquement, doit être augmentée en niveau vibratoire de façon à ce qu'elle puisse s'exprimer d'une autre façon. Et cette autre façon n'est pas une âme. C'est beaucoup plus proche de l'esprit, c'est beaucoup plus proche d'autres choses, mais ce n'est pas une âme. Et l'homme ne perd pas son âme en ce sens que l'homme ne laisse pas son âme devenir matière, donc dégénérer dans ce que l'antique religion appelait les sept péchés capitaux. Au fur et à mesure que l'ego de l'homme est instruit, l'ego lutte. Vous ne voulez pas présentement devenir supérieur à ce que vous êtes, tout en laissant ce que vous êtes s'en aller. Donc, plus l'homme évolue, plus l'ego de l'homme lutte contre l'évolution. Et contre cette évolution, l'ego est aidé. Il est aidé par ses mémoires, par l'astral mémoriel planétaire et par les maîtres du monde, qui sont des entités hautement plus évoluées que l'homme et qui ont comme fonction primaire d'empêcher l'homme d'évoluer. L'ego lutte contre l'instruction supramentale. Et au fur et à mesure que l'ego va lutter, il va lentement absorber son expérience mémorielle. Ce qui fait qu'un être qui se conscientise de temps en temps perd des mémoires. Et il peut perdre des mémoires parce qu'il y a une transformation neurologique, donc une mutation dans ses cellules neurologiques. Et il peut perdre des mémoires à jamais parce que ces mémoires ont été digérées par l'ego. Au fur et à mesure de l'absorption de l'âme par l'ego, à un moment donné, l'ego n'a plus d'âme, l'ego n'a plus d'expérience, l'ego est seul, et étant seul face à lui-même, il ne peut qu'en prendre conscience que de l'intelligence supramentale. Donc, réellement, l'ego découvre ce que l'ancienne religion appelle Dieu, mais il ne doit plus avoir d'expérience mémorielle. Lorsque l'ego entre en contact réel, face à face avec cette énergie supramentale, l'ego commence à être détruit par l'énergie supramentale. Et ces parcelles d'ego qui ont absorbé l'âme sont transposées au plan supramental, c'est-à-dire qu'elles sont énergisées vibratoirement et elles vont aller recréer dans le plan supramental un corps différent de l'âme, un corps supramental, et au fur et à mesure que l'ego va s'auto-détruire, il va permettre dans ce plan supramental la création d'un nouveau corps. Ce nouveau corps de polarité supramentale, c'est-à-dire une polarité qui est non pas duel dans le sens de la psychologie humaine où il y a le bien et le mal, une polarité totalement supramentale, une énergie supramentale, va permettre à l'homme de commencer une expérience non plus exclusivement dans le plan planétaire, mais dans un plan extraplanétaire, dans un plan parallèle, non pas le monde de l'astral où l'homme expérimente lorsque l'homme sommeille ou lorsque l'homme rêve, mais dans un plan totalement d'éveil, un plan d'intelligence instantanée qui va permettre à l'homme nouveau de ne plus avoir de psychologie comme nous le concevons. Cela veut dire que l'homme nouveau ne pourra plus expérimenter un événement matériel, un événement planétaire comme l'homme ancien le fait, parce que non seulement il aura le point de vue de ses corps planétaires, mais en plus il aura le point de vue de son corps supramental. Dans l'antique étymologie, on pourrait parler du point de vue de Dieu. Donc, l'homme aura une visualisation de l'événement, des mécanismes expérientiels au niveau de la planète, par son corps physique, par son corps émotif, par son corps vital, par son corps mental, mais en même temps, il aura un point de vue supérieur, le point de vue supramental, parce que l'homme expérimentera dans les deux plans. Présentement, l'homme vit une quadrilocation, c'est-à-dire que l'homme vit sous quatre plans totalement séparés, le plan matériel, le plan vital, le plan de la fatigue, le plan de la santé, le plan de la psychologie, de l'émotion, et le plan de l'intellect, ce que l'homme appelle l'intelligence, ce que moi j'appelle l'intellectuance. Lorsque l'homme arrive à ce contact supramental, lorsque l'homme arrive à ce que cet ego, à ce que cette âme soit transposée sous forme d'esprit, à ce que cette âme soit évoluée enfin. L'homme arrive à une fusion complète de ses corps planétaires et l'homme commence donc une création d'un corps nouveau, un corps éthérique, un corps supramental, un corps lumineux. L'homme va expérimenter non plus sous quatre principes, mais sous deux principes. Donc l'homme va commencer à aborder un contexte de bilocation. L'homme sera localisé expérientiellement dans deux plans. Le plan supramental de l'intelligence instantanée et le plan matériel, le plan planétaire de l'expérience de la matière. Donc, l'homme aura un point de vue qui sera beaucoup plus vaste que le point de vue pycéen, que le point de vue relié à l'homme ancien. Lorsque l'homme nouveau commence à démolir son âme, c'est-à-dire à absorber son âme, parce que le terme démolir n'est peut-être pas tout à fait adapté, à absorber son âme, il se passe ceci. L'homme nouveau, l'homme transitif qui commence à faire une absorption au niveau de son âme, se désassujettit complètement de la manipulation des astres. Cela veut dire que malgré que l'homme croit au libre arbitre et se mette à genoux pour prier, c'est accepter qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'homme est manipulé par les astres, comme la température, comme les marées et comme tout ce qui se passe sur le plan planétaire. Lorsque l'homme arrive à intégrer son âme, lorsque l'ego arrive lentement à être transmuté en énergie supramentale, donc à créer ce nouveau corps, les planètes qui présentement régissent l'humanité, l'horoscope, le thème de naissance, tout ce genre de mécanismes ne peuvent plus influencer l'homme. De ce fait, lorsque l'homme arrive à se quitter de nouveau, lorsque l'homme arrive à cet ego démoli, c'est-à-dire transmué en corps supramental, l'homme est totalement désassujetti de la manipulation terrestre, donc de la manipulation planétaire. Ce qui veut dire que si, de temps en temps, l'homme ancien parle et pense que l'homme nouveau sera un robot, c'est tout à fait l'inverse. L'homme est complètement désassujetti à toute forme de programmation, qu'elle soit psychologique, vitale ou matérielle. Et la programmation des astres est une programmation qui, par l'intermédiaire du plan matériel, influence le plan psychologique. Lorsque nous allons aborder le phénomène de l'enfant nouveau, justement, nous allons pouvoir voir de quelle façon l'enfant est complètement désassujetti du phénomène des astres. Maintenant, l'enfant nouveau, juste une petite parenthèse, lorsqu'il va naître, ne sera pas en phase de contact supramental. Génétiquement, l'homme nouveau, donc l'homme qui a un contact supramental réel, peut, par le plan de la matière planétaire, donc au niveau du mental en descendant jusqu'au plan matériel, procréer un corps ou quatre corps hautement évolués. Mais dans le plan planétaire, génétiquement, l'homme ne peut pas donner par la génétique le corps supramental qui, lui, est d'ordre extraplanétaire. De ce fait, génétiquement, l'homme ne peut pas enfanter un homme nouveau. Par contre, l'enfant qui a tout ce qu'il faut pour atteindre ce contact supramental a des mécanismes très particuliers au niveau de sa naissance et nous allons pouvoir les aborder dans deux semaines. Alors, je prends un verre d'eau, tu vas avoir une question. Oui, j'en ai des milliers de questions. Des milliers. Je ne veux pas couper ce flot abondant d'informations, là. C'est très intéressant. Une première question, ce serait peut-être ici de savoir si l'homme nouveau, d'après tes explications, c'est un homme qui est coupé de toute influence. Est-ce que c'est une personne qui n'est plus influençable? Tu parles des astres, de ne plus être influencé par les astres, mais sur le plan psychologique, le plan émotionnel, dans les rapports, la communication, les idées, les idéologies, etc. Est-ce que c'est une personne qui devient coupée de toute forme d'influence? C'est ça la question. Oui, disons que l'homme nouveau se coupe de toute forme d'influence pour se connecter à la forme d'intelligence. Et l'homme ancien va passer par différents mécanismes d'insécurité lorsqu'il commencera à perdre ses influences. Parce que l'homme ancien est habitué à être influencé, il est influençable et il se plaît à être influencé. D'ailleurs, on sait que même la majorité des personnes s'influencent eux-mêmes, s'auto-influencent. Et pour arriver à perdre une mauvaise habitude, on a des techniques comme l'auto-hypnose, comme l'hypnose. Des mécanismes où tu te reprogrammes, où tu te réinfluences. Mais chez l'homme nouveau, premièrement, il n'y aura pas d'influence collective. Il ne pourra pas y avoir d'influence psychologique pour la simple raison que la psychologie de l'homme nouveau n'est pas d'ordre âme, n'est pas d'ordre planétaire. Elle est d'ordre, disons, supramental. Et encore là, on peut même dire que la psychologie, il n'y en a pas chez l'homme nouveau. Donc, l'homme nouveau ne souffre pas de mécanismes psychologiques, n'a pas de malheur psychologique, ne peut pas rencontrer un psychiatre, ne peut pas rencontrer un psychologue, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'âme, donc on ne peut pas essayer de comprendre les mécanismes qui font souffrir l'homme par l'âme. Lorsque nous disons que l'âme évolue, c'est ce qui, en réalité, vous devrait être transmis. Parce que dans l'Antiquité, sous forme de mots, on transmet une réalité, mais qui est tellement colorée par le contexte dans lequel elle est transmise qu'on n'arrive plus à comprendre. On ne peut pas dire que l'évolution telle qu'elle a été enseignée dans l'Antiquité est fausse. Par contre, on peut dire que telle qu'elle a été transmise, elle est fausse. Mais la terminologie, le vocabulaire, n'est pas nécessairement mauvais, à part peut-être certaines terminologies ou certains termes qui sont rares. Alors, l'homme nouveau est totalement désassujetti des manipulations planétaires. Cela veut dire que chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la planète, l'homme le comprend. Observez simplement ceci. Lorsque vous comprenez réellement quelque chose, cela ne vous affecte pas. Si vous comprenez qu'une personne se met en colère et brise quelque chose, si vous le comprenez, ça ne laisse pas de traces chez vous, ça ne vous fait pas souffrir. Vous êtes capable plutôt d'intégrer ce qui vient de se passer et peut-être d'expliquer à la personne si elle a bien agi ou non, si vous la comprenez. Et si vous ne comprenez pas, cela vous fait peur, cela laisse une trace chez vous, cela vous rend heureux ou cela vous fait souffrir, mais vous ne comprenez pas. Et lorsqu'on va dire à quelqu'un, tu me comprends-tu? Oui, je te comprends. On ne comprend pas. Parce que si on comprendrait, on ne dirait pas ça. On ne ferait pas juste servir de récipient à la dose d'énergie psychologique qu'elle veut transmettre. On pourrait l'aider, faire un travail avec elle. Et dans notre psychologie, dans notre terminologie psychologique, on dit faire un travail sur elle. Parce qu'on reprogramme. La psychiatrie fait un travail sur l'homme. Les thérapies de groupe font un travail sur l'homme. Maintenant, on revient, on va travailler sur toi. Non, on va travailler avec toi. Mais pour travailler avec quelqu'un, on doit comprendre. Et l'homme nouveau comprend. comprenant pourquoi l'homme nouveau comprend plus et pourquoi vous allez arriver à comprendre plus, c'est pour la simple raison que si vous vous frappez le pied, le pied ne comprend pas ce qui se passe, mais perçoit. Et si vous observez, vous comprenez. L'homme nouveau ayant un point de vue planétaire qui est relié à ce qu'il vit comme événement est une forme de sensoriel, de sensori-détection pour la connaissance, pour l'intelligence supramentale. C'est le pied. L'homme, hein? L'homme ancien, c'est le pied. L'homme planétaire, c'est le pied. Lorsqu'il y a une expérience, l'homme a aussi la vision planétaire, la vision cosmique de ce qui se passe. Alors, il comprend. Parce qu'au lieu de percevoir simplement quelque chose qui vient le tracasser, il en voit tous les mécanismes. Donc, l'homme nouveau peut comprendre parce qu'il a deux points de vue, celui de l'expérience planétaire et celui de l'intelligence instantanée au niveau supramental. Alors, automatiquement, il comprend. Comprenant, il ne peut pas être manipulé. Comment veux-tu... Pouvez-vous faire souffrir quelqu'un qui comprend ce que vous faites? Non. Et je parle de compréhension authentique. Le patient qui est déprimé et qui prend des pilules ne fera pas souffrir celui qui comprend réellement que dans cet état, il n'a pas d'autre solution pour lui. Par contre, il doit l'aider. Il va pouvoir l'aider s'il le comprend et il aura toute la patience du monde à travailler avec s'il comprend. Mais à un moment donné, lorsqu'il est impatient, c'est qu'il ne comprend plus. Ça fait 20 fois, je lui dis, tu comprends pas. C'est pour ça que tu dis ça. Et ne comprenant pas, ça laisse une trace chez l'homme. Donc, l'homme est manipulé. Et l'homme commence par être impatient. Donc, il y a une trace dans la psychologie de l'homme. Ce qui ne peut pas transparaître et apparaître et être vécu par l'homme nouveau, parce que l'homme nouveau comprend. Donc, alors, pour te résumer, s'il y a agression de l'extérieur par moment dans la vie, de choc de vie, qu'on appelle des agressions, il y a donc chez l'homme nouveau un mécanisme d'intégration de cette agression par la compréhension ou par son intelligence réelle, ce qui débouche sur une transmutation, puis donc une création, tout de suite. Il ne fonctionne plus comme l'homme ancien en action-réaction continuellement. Il fonctionne en action-création, comme tu as déjà si bien dit. En passant par ces étapes-là. Exactement. Alors, prenons l'exemple. Vous vous promenez quelque part, vous rentrez dans une petite cabane pour voir par curiosité, et il y a un chat qui vous saute dessus. Si vous comprenez totalement le mécanisme qui assujettit la psychologie du chat, vous n'écraserez pas le chat dans un mur parce qu'il vient vous agriffer. Vous allez vous dire, ben oui, Christy, j'aurais pu avertir le chat. Tu sais, le chat, il est caché dans son coin, il a peur. Toi, tu rentres, le chat, il se défend. C'est tout à fait normal, c'est compréhensif si on se place au plan du chat. Mais si on se place au plan de notre ego, de nous autres mêmes, ben, maudit, tu le tires ton chat d'un bord. Tu ne comprends pas et ça laisse une trace parce que ça vient de t'obliger à réagir selon une programmation qui est déjà déterminée. On sait que ce qui va se passer. La même chose avec le boss ou la belle-mère. Exactement. Ton patron rentre et il te vomit un paquet de bêtises. Mais tu comprends tout. Tu vas comprendre que c'est normal dans le plan de ton patron, à son niveau, à lui, qu'il agisse comme ça. Mais l'homme ancien essaie toujours de comprendre comment qu'un autre agit à son niveau, à lui. Voyons donc, comment tu fais de penser de même? Moi, Christy, je suis chacun comme lui, je ne ferais pas ça. C'est sûr, on ne peut pas comprendre quelqu'un si on se met à notre niveau pour voir ce qu'il fait. Il y a juste vous autres qui savez comment vos souliers vous font mal aux pieds. Il n'y a personne d'autre. Et si moi, je regarde quelqu'un boiter, je dis, ben voyons donc, Christy, elle marche dedans le gravier. Moi, si je marche là, je ne boite pas. Mais moi, j'ai des souliers différents. Je ne connais pas ses souliers, je ne connais pas ses pieds. Alors, si je me mets à son niveau réel, pas au mien, je comprends. Mais pour me mettre à son niveau, je ne dois pas être là. Donc, je ne dois pas avoir d'ego. Et l'homme nouveau, n'ayant plus d'ego, par contre, ayant une conscience supramentale qui est permise parce qu'il a une présence dans l'énergie supramentale, il y a un corps supramental, automatiquement, il comprend. Donc, si le chat saute dessus, si le patron passe et il crée un paquet de bêtises, ça ne fait rien, ça ne touche pas parce qu'il pourrait dire, c'était prévisible. Avec ce qui vient de passer, c'est normal qu'il fasse ça. Alors, ça ne me choque pas. Pourquoi ça me choquerait? Je comprends. Alors, m'a donné 2-3 tapes sur le dos de mon boss, puis je vais dire, ben oui, mais t'as raison. Il agit comme il peut, comme il n'a pas le choix d'agir, parce qu'il faut que je me mette à son niveau pour le comprendre. Et ça, l'homme ancien n'arrive pas à le faire parce que l'homme ancien a trop de psychologie. Et c'est le problème de l'homme ancien, il a trop de psychologie. Et la psychologie ne comprend pas la psychologie. Quand est-ce que l'adolescence comprend l'adolescence? L'adulte comprend de temps en temps l'adolescence. L'adolescent comprend un peu l'enfance. Mais l'enfance ne comprend pas l'enfance. L'adulte ne comprend pas l'adulte. Le criminel ne comprend pas le criminel. Il donne des raisons pour expliquer, mais il ne comprend pas pourquoi il agit. S'il comprend, il ne fait plus. Alors, c'est la même chose. L'homme ne peut pas comprendre la psychologie de l'homme tant que l'homme essaie d'expliquer la psychologie à partir de sa psychologie. Tu ne peux pas comprendre la même chose. Alors, expliquer comment est le Canada, c'est infaisable s'il n'y a pas d'autres pays. Et c'est le problème de la psychologie de l'homme. Alors, toi, tu es évolué parce que je te compare à moi. Toi, tu es évolué parce que je te compare à moi. Moi, à ta place, je n'agirais pas comme ça. Toi, à ta place, ben toi, reste donc dedans tes souliers. Toi, à ta place, tu n'agirais pas comme ça parce que tu as une énergie différente. Et l'homme nouveau ne peut pas souffrir, il ne peut pas être manipulé, mais il comprend. Et s'il comprend, c'est ce que l'homme ancien recherche, mais l'homme ancien n'arrive pas à comprendre. Il ne se comprend pas lui-même, il se culpabilise. L'homme nouveau n'a plus ce genre de problème et l'homme transitif se dirige vers ce mécanisme. Pour en revenir à l'âme dont tu parlais tout à l'heure, là, est-ce qu'on pourrait dire qu'arrive un moment où l'enveloppe de l'âme est crevée, qu'elle libérait son énergie qui serait récupérée par l'esprit pour la formation du corps supramental? Est-ce qu'on peut le voir comme ça schématiquement? J'essaie toujours de schématiser. Oui, disons qu'on pourrait le voir comme ça, mais on peut le voir peut-être un petit peu plus relié à ce qui se passe en réalité. C'est que tu dis qu'il y a une partie de l'âme qui doit être détruite ou anéantie ou défaite pour libérer de l'énergie. Bon, alors ce qui arrive simplement, c'est que l'enveloppe de l'âme, elle ne va pas s'écraser sur l'ego parce qu'il y a, il y a l'expérience, il y a la mémoire. Et quand tu parles, disons, de perforation de l'enveloppe, c'est ces mémoires qui sortent. En réalité, l'ego lui-même va absorber les mémoires, ce qui va amener l'enveloppe de l'âme à se coller sur l'ego et elle sera intégrée à l'ego. Donc, et après, l'ego va pouvoir commencer une évolution réelle. Tant que l'homme se sert de son expérience mémorielle pour évoluer, il n'évolue pas. Comment voulez-vous évoluer vers du neuf en vous servant de ce qu'il y a de vieux chez vous? Ça ne se peut pas. Vous devez essayer de ne plus observer le monde à partir de votre expérience. Et lorsque le Nazaréen dit que si l'homme ne redevient pas enfant, bébé, sans expérience, il ne pourra pas entrer au ciel, ben c'est similairement ça qu'il veut dire. Alors, si moi j'observe, plus j'ai de l'expérience, plus ma vision du monde est déformée. Parce que l'enfant ne peut pas haïr le russe, l'adulte peut. Mais observez le monde sans vos mémoires. Quand vous avez à agir, prenez vos mémoires, mais observez sans le phénomène mémoriel pour observer d'une façon neuve, pour goûter du neuf. C'est renaître à nouveau, c'est ça? C'est renaître. Et l'homme va, de toute façon, dans sa conscientisation, le cheminement vers l'homme nouveau amène ses mémoires référentielles à être intégrées par l'ego de façon à ce que l'ego ne puisse plus se référer à rien. De cette façon, il est né avec énergie supramentale et là, enfin, il commence à comprendre. Bon, alors Daniel, il y a tout un paquet de questions là, donc il va falloir y répondre le plus brièvement possible si on veut passer au travers de tout ça. Oui, puis non, peut-être. Non, un peu plus que oui, puis non, et que peut-être, disons 2 ou 3 minutes sur chacune des questions. Oui, non. Okay. Alors, il y a beaucoup de constatations. D'abord, les gens ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la place, que c'était très intense. Exemple, c'est la première fois que je viens vous écouter en conférence. J'ai des problèmes à suivre, mais je me sens bien. Quel en est le mécanisme? Bon, on a déjà souvent parlé, ici, c'était presque traditionnel d'avoir des personnes qui assistaient aux conférences du vendredi et qui payaient 7$ et qui dormaient toute la conférence et qui s'en retournaient après. Et puis, à l'époque, on avait des tables. Les tables, on les met de temps en temps, les autres de temps en temps. Ça dépend de notre gérant. Et les personnes dorment toute la conférence. Après ça, ils partent, ils passent une bonne semaine. Puis, ils reviennent encore chercher une autre conférence. Ils dorment. Ils prennent la cassette parce qu'ils veulent savoir pourquoi ils sont venus. Mais ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils dormaient. Alors, ils n'ont pas pu comprendre. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a différents mécanismes qui ne sont pas suffisamment connus du public pour pouvoir juger de la valeur de quelque chose, parce qu'il y a toujours l'expression matérielle ou, au niveau d'une conférence, l'expression orale, et il y a l'expression énergétique. Alors, si on regarde, et c'est connu depuis longtemps, parce que si on prend l'exemple des églises, si on prend l'exemple des musiques grégoriennes, si on prend l'exemple de toute l'importance attachée à la vibration vocale et orale et musicale pour créer quelque chose. Sauf que lorsque un orateur est capable de créer une ambiance ou de créer sans faire de farce, on fait des farces parce qu'évidemment, évoluer, ça vient comique, mais disons, si à un moment donné, dans la parole, il y a beaucoup plus que ce qui est dit. Il y a l'énergie qui véhicule. Et cette énergie-là, elle n'est pas psychologique, donc elle ne manipule personne. Et ça, il faut bien faire la différence entre une énergie émotive, où on essaie de vendre de l'émotion pour que le monde embarque dans la même émotion, puis à un moment donné, bien, elle manipule la personne. Alors, ce n'est pas pareil. Alors, l'énergie qui va surtout transparaître au niveau des conférences que je vais donner et que certains, mais rares autres conférenciers vont donner, c'est une énergie qui est beaucoup plus d'ordre supramental, donc qui va tendre à supporter la personne pour qu'elle, lentement, pour que son degré vibratoire augmente suffisamment pour qu'à un moment donné, elle puisse comprendre de par elle-même. Alors, ce qui arrive, c'est qu'une personne peut se sentir bien puis rien comprendre, comme elle peut comprendre la semaine suivante, un mois après, où tu vas tout d'un coup avoir un déblocage. Il y a une période d'adaptation, mais il y a un transfert d'énergie qui se fait dans la salle à ce moment-là. Exactement. Et ce n'est pas mon énergie qui est transférée. Et ça, c'est important qu'on comprenne bien le mécanisme. Ce n'est pas mon énergie. Je laisse passer une énergie qui, évidemment, est assimilée et assimilable par tout le monde. Mais ce n'est pas mon énergie. Je ne suis pas la dynamo. Alors là, ça va à peu près dans le même sens. Je n'ai pas très bien compris, mais c'est la première fois que je ressens une énergie d'authenticité chez un conférencier. Ici, une autre qui dit, c'est la deuxième fois que je vous entends ici. Et je comprends surtout la deuxième semaine qui suit votre exposé. Pouvez-vous m'expliquer cela? Bon, ben c'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est que énergétiquement, la personne, énergétiquement, ça veut dire quoi? Ben alors, évidemment, à un moment donné, je le dis de temps en temps, on a une terminologie qui est assez particulière parce qu'elle exprime mieux, disons, des choses, des visualisations, des points de vue, que d'antiques mots. Il y a un langage spécialisé, ça c'est certain. Je veux pas. Alors, en médecine, on en a un, en ésotérisme, on en a un, au niveau de la conscientisation, on en a un, des religions, il y en a un. Il faut qu'on s'adapte au vocabulaire. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, énergétiquement, disons que l'énergie passée dans une conférence va facilement suppléer au manque de vocabulaire. On a déjà eu une personne qui a assisté à une de mes conférences, c'était un Hawaïen qui ne parlait qu'anglais, et par après, il a parlé en anglais avec quelqu'un d'autre de ce qu'il pensait que, puis il avait à peu près compris tout ce qui se passait au niveau de la conférence, malgré qu'il ne comprenait pas la langue. Alors, il avait évidemment tellement été impressionné qu'il est pourvenu. Bon. Mais c'est pas... Non, c'est parce qu'il reste à Hawaï. Il est peut-être passage ici, il faut comprendre. Alors, ce qui arrive, c'est que le support vibratoire permet beaucoup à la personne, et cette énergie-là, évidemment, elle l'habite, elle s'en va avec, elle est mieux, elle comprend mieux, sauf si son ego lutte toute la soirée contre l'énergie. Alors, elle va quand même avoir cette énergie, mais la lutte va se poursuivre chez elle. Elle va être choquée. Oui, mais ça va se poursuivre chez elle, justement, parce que l'énergie l'habite, l'énergie veut faire en sorte qu'elle comprenne quelque chose. Si une personne est déjà de mauvaise humeur ou est choquée, c'est qu'il y a quelque chose qui va déjà pas. Parce que dis n'importe quoi, dis-moi des bêtises, dis-moi la vérité, dis-moi des mensonges, ça me choque pas. Ça n'a aucune importance. Si la personne est choquée, c'est qu'elle a lutté. Et si elle a lutté, l'énergie, c'est l'énergie qui l'habite, qui est elle. C'est de l'énergie supramentale, de l'énergie d'intelligence qui l'habite et qui la transforme, veut pas. Ça provient certainement de ce qu'elle confronte, ses propres préjugés à ce qui est exactement entendu, ce qui est dit en avant. Elle commence sa mémoire, à voir, en fait. C'est ça, c'est qu'elle commence à voir des choses et elle ne veut pas voir ces choses-là parce qu'elle a en mémoire la certitude, ce qu'on appelle la foi, que ces concepts sont authentiques, sont plus authentiques encore que la réalité. Alors, lorsqu'elle commence à voir la réalité, elle ne veut pas. Alors, évidemment, elle est choquée. C'est comme lorsqu'une personne meurt dans notre famille, on est choqué. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Mais c'est la même chose. L'homme commence à se conscientiser. L'homme voit de mieux en mieux. Et l'homme, s'il lutte, évidemment, il va y avoir certains problèmes. Alors, la personne, si elle comprend une semaine ou deux semaines après, comme après un séminaire PMC, par exemple, souvent l'énergie que les personnes vont pouvoir capter dans un séminaire, cela peut les entretenir pendant un mois et demi, même deux mois. Assez que souvent, je le suggère, après un séminaire PMC, de ne pas prendre de décision et qui changerait leur vie, parce qu'ils vont l'apprendre avec une vision particulière, d'un point de vue particulier, le point de vue énergisé, et deux mois après, l'énergie s'en va lentement parce qu'ils ne sont pas encore capables de la recevoir directement. Et à un moment donné, ben là, ils savent plus pourquoi ils ont pris cette décision-là. Parce qu'ils n'ont plus le même point de vue. Alors, ils comprennent plus, ils sont plus aussi actifs. Alors, c'est normal qu'après un laps de temps, qu'une personne intègre à un moment donné une connaissance, parce que la connaissance, c'est quelque chose qui est vibratoire, qui se communique par l'intermédiaire de la parole, mais pas juste de la parole. Alors, entendre entre les mots, c'est souvent capter l'énergie au lieu du mot. Le mot aide un peu, mais l'énergie surtout. C'est comme à la radio. Lorsque je parle à la radio, il n'y a pas la même énergie. Il y a plus de choc parce qu'il n'y a pas l'énergie pour supplier, pour donner la possibilité de comprendre ce que je dis. Comme hier, il y a des auditeurs qui m'appelaient. Et il y en a deux, entre autres, qui ont répété des choses que j'ai dit. Il a même fallu qu'avec l'énergie de leur voix, parce qu'à un moment donné, on arrive à comprendre que par la voix, pas ce qu'ils disent, pas le corps, pas l'apparence, pas la caractérologie, pas l'horoscope, rien de ça. La vibration de la personne. Et lorsqu'on devient suffisamment attentif à cette vibration, même par la voix du téléphone, on arrive à percevoir. Et ces personnes, je leur ai dit, non, vous êtes tel genre, vous voulez dire telle chose, je leur ai tout défini. Et ils me disaient, oui, oui, effectivement. Comme il y en a un qui disait qu'il comprenait tout, mais je lui ai dit qu'il parlait au nom d'un autre. Il m'a dit oui. Il a fallu que tu te mettes sur sa longueur d'onde, autrement exactement. Dit. Tu rentres dans leur peau à ce moment-là, vibratoirement, là, ils comprennent. Oui, alors c'est la même chose. Alors, vibratoirement... Mais c'est toi qui dois faire cet ajustement-là. Moi, oui, parce que présentement, ces personnes-là ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont trop d'ego et l'ego ne veut pas perdre la place qu'ils ont pour le risquer d'avoir quelque chose d'autre, même si c'est mieux. Et c'est le mécanisme. L'homme ne veut pas être intelligent instantanément parce qu'il ne veut pas perdre son intelligence mémorielle. Mais l'intelligence mémorielle ne contient pas tout, tandis que l'intelligence instantanée ne contient que ce que tu as besoin. Et l'intelligence mémorielle ne contient pas nécessairement ce que tu as besoin. Autrement dit, on défend que ce que l'on connaît bien. On est attaché au connu. Et l'inconnu, là, ça nous effraie. Exactement. Alors, peux-tu parler de quelque chose si tu n'en connais pas tous les données? Non. Mais l'homme le fait régulièrement et l'homme se lutte. L'homme a des conflits d'opinion. L'homme y va. Alors, lorsqu'une personne, vibratoirement, c'est surtout au niveau vibratoire qu'on doit connaître quelqu'un. Et c'est surtout au niveau vibratoire avec que la conférence que je donne, les conférences que je vais donner sont bonnes. Donc, beaucoup plus qu'au niveau de l'oral. On n'a pas besoin de comprendre intellectuellement ce que tu dis. Il suffit qu'il y ait une résonance à l'intérieur de la personne. Il faut surtout essayer de ne pas comprendre intellectuellement ce que je dis. Parce que ça s'engrangerait dans la mémoire encore. Ça viendrait une croyance, ça viendrait une anticroyance, ça viendrait quelque chose que la personne ne pourra pas intégrer. Alors la personne, elle doit écouter sa part. Si ça ne fait pas d'intelligence pour elle, qu'elle laisse tomber, qu'elle ne le stocke pas. Et si ça fait d'intelligence, qu'elle l'applique, qu'elle le vive, qu'elle ne le stocke pas. Une fois que c'est intégré. Non? Eh oui. Okay. C'est la première fois que je vous entends et je n'avais pas confiance au début, jusqu'au temps où vous avez mentionné que l'on peut être divin. Ça m'a fait penser que Jésus l'a enseigné et dit à plusieurs reprises pourquoi la religion. Bon, pourquoi la religion n'insiste pas sur ce point? Vous êtes le premier que je l'entends dire. Bon, pour la simple raison que le contexte évolutif planétaire, le contexte évolutif des religions organisées, le contexte évolutif des collectivités organisées, donc de la conscience collective, qu'elle soit morale, religieuse ou politique, fait en sorte que, et c'est nécessaire pendant un laps de temps, d'ailleurs c'est encore nécessaire encore pour un bout de temps, qu'une masse de gens ait besoin de dirigeants. Parce que l'homme n'arrive pas suffisamment à se prendre en main. Il refuse d'entrer dans son intelligence au nom de l'erreur. Si je me trompe, et l'homme se trompe régulièrement, mais au nom de la collectivité, ce qui le fait beaucoup moins souffrir. Alors, lorsque on a des personnes que nous plaçons, j'ai déjà dit que le rôle principal d'un gouvernement était d'entretenir la condition qui nécessitait sa présence. Et c'est la même chose au niveau d'un gouvernement religieux. Et on ne peut pas maudire l'homme, c'est un contexte normal. Le peuple entretient la situation qui nécessite le gouvernement. N'importe quel gouvernement, mais un gouvernement. Mais le gouvernement, lui, essaie d'entretenir la situation qui nécessite sa présence, pas celle des nôtres. Alors, lorsque l'homme veut arriver à se prendre en main, alors les religions n'ont pas parlé, n'ont pas insisté sur le point que l'homme devait être. L'homme doit être, mais à la condition qu'il fasse pénitence, qu'il vienne dans notre religion, qu'il vienne dans notre messe, qu'il vienne... Parce que je rencontre souvent des prêtres. Et même de temps en temps, je vais même dans les églises pour discuter. Et le gros problème, oui, mais est-ce que vous êtes pratiquant? Parce que si Dieu s'exprime en toi et que tu n'es pas pratiquant, c'est Satan qui s'exprime en toi. Et moi, je connais beaucoup mieux Satan qu'eux autres le connaissent, parce qu'eux autres en ont peur. As-tu ta carte? Fais-tu partie de la charte? C'est exactement. As-tu ta carte de membre de notre Église? Non, alors c'est pas Dieu qui s'exprime en toi, parce que si ce serait Dieu, tu viendrais ici faire pénitence tous les dimanches. Mais voyons donc, Dieu est supérieur à vous, mes amis. Dieu ne viendrait pas faire pénitence ici. Et je ne suis pas supérieur à vous, mais l'énergie que je laisse s'exprimer ne viendra pas faire pénitence dans l'Église. Parce que ça n'aura aucun sens. Pas d'une façon égoïque. Eux autres ne pourraient pas le vivre. Pas moi. Moi, je peux le vivre, mais pas eux autres. Alors, c'est toujours le problème. L'Église ne veut pas. Pourquoi? Parce que si Dieu s'exprime chez l'homme, les gouvernements religieux n'ont plus de raison d'être. Et à un moment donné, ils n'auront plus de raison d'être. Est-ce qu'à la place de dire Dieu qui s'exprime dans l'homme, on peut dire l'Esprit pour toi? C'est beaucoup mieux de dire l'Esprit. Oui. Qu'on va faire des formes, encore une fois, avec oui, Dieu. Oui, mais présentement, on va les déformer. Présentement, même l'esprit, c'est encore une fois... Exactement, mais on n'a pas le choix. C'est un mot qui est déjà employé. L'énergie supramentale, c'est un mot moins employé qui est mieux. L'homme va s'occuper de le déformer, là, mais c'est mieux, sauf que pour certaines personnes, c'est plus difficilement compréhensible. Alors, c'est pour ça que de temps en temps, on parle de Dieu, mais, ou de l'esprit. L'esprit, c'est encore mieux que le Dieu. Le danger, c'est qu'on récupère ce que tu dis, qu'on en fasse une religion. Pour énergiser quelque chose que je veux pas énergiser, ouais. Exactement. Mais ça va passer quand même, ce mécanisme. Alors, pourquoi qu'on ne parle pas que l'homme doit être, l'homme doit laisser exprimer les énergies intelligentes chez lui? C'est parce que c'est les dirigeants qui dirigent, les dirigeants entretiennent leur poste. Et c'est bon, parce que ça force l'homme à se prendre en main. Ici, il est dit, très bonne conférence, une des meilleures que j'ai entendues. Vous avez utilisé certains mots que vous avez un peu définis, mais pourriez-vous approfondir sur ce qui est la fusion des corps planétaires avec l'état supramental? Bon, alors je ne... En trois minutes... Bien difficile, là. C'est facile grande à question, dire, ouais. Difficile à comprendre. Non. La semaine prochaine, on va repoursuivre sur la fusion supramentale par rapport à la femme. Évidemment, il y a des contextes qui sont similaires par rapport à l'homme. Ce soir, on c'est un ébauche. Au niveau de l'enfant, on ne parlera plus de la femme et de l'homme. On va parler de l'être planétaire, donc de la race humaine, au niveau de ce contact supramental. Alors, je crois qu'on va y revenir amplement sur le niveau de l'enfant. Je pense qu'il faudrait faire une conférence après ça sur le couple. Oui. Le couple supramental. Le travail du couple au niveau de l'évolution. Le couple initié dans l'énergie. Mais ça, en revenant du Pérou. Et à ce moment-là, développer dans une synthèse cette question-là, la réponse à cette question-là. Oui. Il y a des gens qui disent que vous faites partie des 12 personnes que Sri Aurobindo a prophétisées comme étant les sauveurs de l'an 2000. Je sais que vous savez si c'est vrai ou non. Une réponse claire est exigée. Je veux et j'exige. Bon, c'est une personne qui me connaît peut-être. Disons qu'une réponse serait appréciée, une réponse claire. Effectivement, je sais si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne sais pas si on peut exiger quelque chose, un phénomène comme Daniel. Non, c'est ça. Je ne peux pas répondre plus que ça. Disons qu'effectivement, je sais si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça qu'elle veut savoir. Alors oui. Il paraît que lorsque vous reviendrez du Pérou, il n'y aura plus de séminaire PMC. Est-ce que c'est vrai? Bon, disons que est-ce que c'est vrai, je n'en ai aucune idée parce que présentement, c'est à l'étude. Une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un séminaire PMC avant que je parte pour le Pérou le 2 et 3 novembre. Mais en revenant, je vais faire des choses au Pérou. Il y a bien des choses qui vont changer aussi, alors ce qui fait que je ne peux pas dire, je vais voir. Mais avant le Pérou, il y en a un. Après, on saura ça après. Présentement, on est en réflexion. Alors, tu as les réponses rapides. Il n'y a pas un politicien qui peut faire ça. Ouais, il parle la langue de bois, ce que j'appelle la langue de bois. C'est... parle beaucoup pour rien dire. Est-ce que vous allez plus loin dans la définition des mécanismes de l'évolution en séminaire? Je vais plus loin, oui. Ça dépend évidemment des personnes qui suivent le séminaire. Je vais beaucoup plus loin parce que je peux parler, on peut discuter de personne à personne. Alors, ce qui fait que vibratoirement, on a réellement une connaissance. Je peux m'ajuster à chaque individu dans un séminaire parce que je les connais, parce qu'on a un contact. En conférence, je m'ajuste surtout à l'ensemble, évidemment, et je crois que c'est intelligent de le faire. Maintenant, en séminaire, on va beaucoup plus loin sur les mécanismes de l'évolution, dépendant évidemment des personnes. Et je crois aussi que plus cela va aller, ce mois-ci, de toute façon, on va pousser, et après le Pérou, on va sans doute aller de plus en plus loin. Mais au niveau du séminaire PMC, on va très, très loin. Ton appréciation sur l'art abstrait et l'impressionnisme figuratif. Ah, c'est un requin, ça. Je le connais, c'est présenté tout à l'heure. On s'est déjà vu avant. Mon appréciation sur l'art abstrait et l'impressionnisme figuratif. Bon. Alors, je ne sais pas si, comme je disais au requin, la fois que je l'avais rencontré, lui m'avait dit que c'était un requin, alors il voulait un peu m'attaquer. Moi, je lui ai répondu que j'étais un épaulard. Parce que les polars, c'est un des rares mammifères qui tue les requins. Et puis... On va rentrer dans une guerre d'égo, là. Non, mais j'explique simplement pour préparer la personne à la réponse. Mais c'est une personne qui est correcte. Elle va comprendre. C'est ça. Alors, premièrement, en ce qui concerne, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas d'appréciation sur l'art abstrait ou sur l'impressionnisme figuratif. Je n'ai pas non plus d'opinion sur l'art abstrait et l'impressionnisme figuratif parce que je n'ai pas besoin d'avoir une opinion. Et c'est important qu'on comprenne bien le mécanisme de l'opinion. L'opinion, c'est une réforme de l'ego ou, chez certaines personnes, l'opinion, c'est la forme même de l'ego. Comment? T'as pas d'opinion de ça? Alors, c'est comme si tu manquais quelque chose dans ta dynamique ego. Alors, ben oui, j'ai une opinion de ça. Ben, c'est quoi ton opinion? Bon. Moi, je n'ai pas d'opinion pour la simple raison que je n'ai pas besoin de me faire d'opinion. Lorsque je regarde de l'art abstrait, selon ce que je reçois chez moi, je vis cela. Mais je n'ai pas besoin de transmuer ce vécu en opinion ou en appréciation. Et lorsque je regarde de l'impressionnisme figuratif, qui est beaucoup plus collectif peut-être, je n'ai pas besoin non plus de me faire une opinion. Je regarde ce verre ici, je n'en ai pas d'opinion. Je suis capable de connaître mauditement mieux le verre, comme d'ailleurs les représentations picturales que n'importe qui va pouvoir mettre en matière, ce que peut être une sculpture, ça peut être une invention comme un auto. Je n'ai pas d'opinion à me faire et je n'ai pas d'appréciation. Et en plus, je pourrais, par contre, parler des mécanismes qui poussent l'homme à faire de l'art abstrait, de l'art concret. La science, par exemple. Je peux parler des mécanismes qui poussent l'homme aussi à faire de l'impressionnisme figuratif. On peut parler de mécanismes qui font que l'homme travaille. Ou on peut parler aussi des mécanismes de l'opinion. Pourquoi l'homme a besoin d'une opinion? Pourquoi l'homme recherche l'opinion d'un autre pour se faire une opinion? Et ce sont des choses qui vont disparaître chez l'homme nouveau parce que l'homme nouveau n'aura pas d'opinion, donc il n'aura pas d'opinion à débattre. Et il ne recherchera pas l'opinion d'un autre pour s'en faire une. Parce que ça, c'est du collectivisme figuratif. Alors, l'homme essaie de s'assujettir. Alors, si tu vois quelque chose, ne te demande pas si c'est beau ou laid. Parce que si tu te demandes si c'est beau ou laid, comment tu devrais le voir, tu vas le demander aussi à un autre, et toi, tu ne le vois plus. Tu ne peux plus le voir. C'est ton bagage mémoriel qui vient créer l'opinion chez toi, qui lui va observer. Mais ce n'est pas l'être réel qui observe quelque chose d'authentique. Alors donc, je n'ai pas d'appréciation ou d'opinion sur l'art abstrait ou l'impressionnisme figuratif, mais on peut en parler. Présentement, disons que je ne veux pas en parler. On pourrait parler des mécanismes plutôt. Ce serait beaucoup plus constructif, je crois, pour amener l'être qui s'intéresse aux opinions à comprendre les mécanismes qui font que lui a besoin ou n'a pas besoin, ou que tel champ d'art crée quelque chose chez lui, ou crée d'autres choses, ou ne crée rien. Ça répond toujours à un état d'âme, en fait, la personne qui vibre. Exactement. À ça. État d'âme, donc le créateur aussi, celui qui crée la peinture, il projette son état d'âme. Exactement. Ou sa faculté intellectuelle de déformer, en fait, la réalité. C'est ça. Sauf qu'on se demande, justement, parce qu'on a Picasso, par exemple, qui est un personnage qui déforme relativement la réalité avec le cubisme et ces choses-là. La personne, elle va exprimer quelque chose sur une toile. Et ce qu'on demande, qu'est-ce qui fait la différence des arts? C'est le véhicule que va employer l'artiste ou l'homme pour exprimer. Alors, c'est que lui va avoir un état d'âme, donc un état expérientiel mémoriel, qui est l'âme de l'ego, et il va, selon cet état d'âme, donc encore une fois, selon ce mécanisme d'apprentissage, essayer d'exprimer quelque chose qui va aller avec ce qu'il veut faire. Et donc, si on regarde, par exemple, l'art cubiste, ou si on regarde l'art synthétique, ou si on regarde d'autres formes d'art, c'est le même mécanisme psychologique chez l'homme qui s'exprime à travers un filtre différent qui crée les différentes formes d'art. Alors, avoir une opinion sur la différente forme d'art, c'est ne pas comprendre l'homme qui s'exprime. D'ailleurs, avoir une opinion, c'est ne pas comprendre non plus. C'est mémoriser une compréhension. Et la compréhension n'est pas nécessairement actuelle, c'est-à-dire vivante. Elle est plutôt passée, morte, mémorielle. Alors donc, le filtre par lequel l'artiste ou l'homme s'exprime pour créer de l'art, ce n'est pas opinionnisable, c'est un mécanisme qu'on peut comprendre pour comprendre l'homme. Il canalise sa créativité ou son énergie dans une œuvre comme ça. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je peux canaliser mon énergie créatrice par la parole, c'est de l'art. Et d'autres canalisent d'autres formes d'énergie par la sculpture, par la peinture, et c'est de l'art. ce n'est pas la même énergie qui s'exprime, et ce n'est pas qu'il n'est pas question de savoir si c'est bon ou mauvais, parce que j'ai aussi de l'énergie qui s'exprime par là. Mais c'est l'énergie de mon ego, de mon astral, de ma psychologie, je la connais, j'en ai, et lorsque cela est plaisant ou lorsque cela est intelligent ou utile d'exprimer, ça s'exprime. Sauf que cette énergie ne vient pas colorer mes mécanismes de contact supramental ou mes mécanismes mentaux. C'est la seule différence. Alors, évidemment, j'ai de l'émotion, quand c'est utile d'en avoir. Est-ce vrai que l'homme sera le premier à perdre sa sexualité physique? Comment pourra se vivre cette disparition? Bon, la femme ne peut pas la perdre parce que la femme n'en a pas de sexualité physique. Alors, ça règle déjà le problème à ce niveau-là. L'enfant n'en a pas non plus, donc effectivement, l'homme sera le premier et le dernier à perdre le caractère de sexualité physique, c'est-à-dire le caractère de donneur au niveau vital, parce que la psychologie de l'homme est masculine et que le corps physique de l'homme est masculin et que l'homme donne, l'homme est le seul donneur au niveau de la sexualité. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis la femme n'a pas de sexualité? C'est-à-dire que la femme, elle est, comme le dit très bien Roger Drolet, la femme, et je préfère lui laisser ceci parce que présentement, c'est le premier à l'avoir publicisé. Et il y a des personnes qui, ça fait longtemps qu'ils le savent, ce mécanisme de la femme amoureuse et de l'homme sexuel. Tout à l'heure, j'ai expliqué d'une façon peut-être plus énergétique le mécanisme même qui fait que la femme est amoureuse et que l'homme est sexuel. Peut-être que Roger ne peut pas expliquer de cette façon, mais quand même, c'est la terminologie femme amoureuse et homme sexuel, ça vient de lui. Et la femme, elle n'a pas besoin de relations sexuelles, c'est-à-dire que la femme est capable de vivre un laps de temps suffisamment long, et même très long, sans avoir de relations sexuelles. Par contre, la femme a besoin d'avoir des relations affectives. Et l'homme, lui, n'a pas besoin. L'homme peut vivre longtemps sans relations affectives, mais il ne pourra pas vivre longtemps sans relations sexuelles, même si c'est une relation qui se fait entre lui et lui-même. Ce que la femme peut facilement se passer. Par contre, la femme, elle a été éduquée à être normale, à être comme l'homme, parce que au niveau sexualité, comme au niveau bien d'autres niveaux en plus, la libération de la femme, c'était de rendre la femme à l'égal de l'homme et non pas à l'égal de la femme. Hein? Et c'est un grand handicap. Et lorsqu'on éduque la femme à être normale, donc à être sexuelle, on programme une femme pour qu'elle exprime l'homme chez elle. Ce qui ne se fait pas non plus. Alors, l'exemple le plus évident, c'est que si tu fais un massage à ta femme, l'homme qui fait un massage à sa femme va avoir de la difficulté. Ça va être pas pire, mais il va falloir qu'il se retienne un peu. Faire un massage à sa femme. La femme, elle peut dormir après. Mais si la femme fait un massage à l'homme, il va falloir que ça finisse autrement que par le sommeil. Ça se concrétise dans la matière. Exactement. Alors, la femme, elle est pratique. Exactement. Moins abstrait. C'est ça. Alors, lorsque la femme dit que l'homme, c'est un gros cochon, l'homme, ce n'est pas un cochon, l'homme est bâti énergétiquement comme ça. Et lorsque l'homme dit que la femme, ça, c'est son ami pas normal, son ami tout à fait normal si elle refuse de coucher tous les soirs, parce qu'elle, elle vit au niveau du plan de l'affection. Pour recevoir, elle a besoin d'affection, et l'homme, lui, a besoin de donner au niveau vital, surtout. Alors donc, évidemment, l'homme va perdre ce mécanisme. Par contre, l'homme ne perdra pas la faculté de procréer. Simplement qu'il ne canalisera pas toute son énergie d'expression, parce que la majorité des hommes le font. D'autres le font différemment. Mais ils ont quand même besoin beaucoup plus de sexualité. La femme n'en a pas besoin. Un homme peut arriver à se restreindre, la femme peut arriver à donner un peu plus de sexualité à son homme, parce qu'elle comprend les mécanismes, mais la femme n'en a pas plus de besoin. Parce que rarement une femme paye pour aller coucher avec un homme. Et si elle paye, c'est plus souvent qu'autrement pour avoir de l'affection. Parce que même s'il n'y a pas de relation sexuelle, même si elle a payé, elle va être contente si l'homme lui a donné des mots doux, si l'homme l'a flatté, si l'homme lui a donné de l'affection. Par contre, l'homme paye, lui, et l'affection n'a pas besoin. Il a besoin de sentir son corps travailler. Et c'est tout à fait normal parce que sa constitution énergétique, elle s'exprime de cette façon. Alors, lorsque l'homme va perdre ce caractère sexuel, il va dynamiser beaucoup plus l'énergie vitale vers son cerveau, ce qui a déjà été expérimenté sur la planète dans l'Antiquité, où l'homme n'avait pas de sexualité propre. Par contre, il développait son centre laryngé et son centre cérébral, donc ses neurones. Et l'homme, évidemment, va de plus en plus être amené, l'homme qui se conscientise, à perdre cette expression typiquement planétaire de l'énergie. Ça se comprend, parce que plus il se mentalise, moins il a d'émotions, moins il a de faculté d'imaginer, d'avoir un écran mental, donc qui l'amène à la sexualité. C'est ça. Donc, il sera moins sollicité, en fait, par ses propres... Par ses propres mémoires. Ouais. Exactement. Et l'homme qui se conscientise, l'homme nouveau, va être capable, évidemment, de procréer, mais il va comprendre l'intelligence d'avoir des enfants. Il n'aura pas d'enfants par accident. Ou pour faire plaisir à la femme qui veut combler un besoin émotif. Parce que la femme va aimer l'enfant, la femme va s'occuper de l'enfant, la femme aime le bébé beaucoup plus que l'homme. Mais l'homme qui se conscientise finit par lui aussi avoir de l'amour. Il aime le bébé, mais est-ce qu'il est capable de l'aimer comme la femme? Le bébé qui vient de naître, là, qui est tout gluant, tout bleu, tout mauve, là? Pas autant, non. La femme va le prendre dans ses mains, la femme, elle va le flatter sur elle. Mais l'homme, il va trouver ça hier qu'un peu. Il va l'aimer, mais pas de la même façon. Mais lorsque l'homme se conscientise un peu, il arrive à pouvoir aimer le bébé un peu plus comme la femme. Et la femme finit par comprendre un peu plus l'homme, sans avoir à se reprogrammer. Et c'est tout à fait normal. Et à un moment donné, la femme ne mettra plus d'enfants au monde pour combler un besoin affectif, parce que la femme, elle s'exprime de cette façon pour l'instant. Et l'homme ne mettra pas d'enfants au monde pour combler un besoin sexuel. Et à un moment donné, évidemment, l'homme va perdre cette sexualité, mais il ne perdra pas la faculté de procréer. Il faut bien comprendre. Un jour, l'homme va être androgyne beaucoup plus loin. Lorsque l'homme va être androgyne, c'est-à-dire que lorsque l'homme n'aura plus de sexualité, là, je parle de la race humaine, je parle donc de l'homme et de la femme, lorsque ceux-ci seront androgynes, ils seront immortels. Parce que l'homme est obligé de procréer, parce que dans la procréation, il y a l'immortalité. Parce que si l'homme meurt sans procréer, il n'y a pas d'immortalité. Et si l'homme est immortel, l'homme n'a plus besoin d'enfanter. C'est tout à fait normal. Il y a un processus différent. Y a-t-il un processus différent de destruction de l'ego masculin et féminin? Oui. Le processus de la destruction de l'ego masculin et féminin, on va y revenir la semaine prochaine et on va faire un petit retour sur le mâle ce soir. L'ego masculin va s'auto-digérer, parce qu'il faut bien faire comprendre avec le terme détruit, si tout le monde comprend bien que ce terme-là n'est pas un terme de désintégration atomique, une transmutation vibratoire. Lorsque l'ego mâle, lorsque l'ego de l'homme tend à s'auto-dissiper pour être canalisé vers une création supramentale, il va être auto-dissipé surtout par l'expérimentation de son raisonnement intellectuel qui va rencontrer une intelligence instantanée, l'intelligence supramentale, et c'est par la lutte entre le raisonnement intellectuel de l'homme, entre le vouloir dominer de l'homme, entre le vouloir rester de l'homme, que l'homme va subir cette désintégration de l'ego. La femme va vivre, va passer par des mécanismes qui sont totalement différents en ce qui concerne la régression de son ego et la création du corps supramental qui va être presque de même nature que le corps supramental de l'homme. Alors, l'homme va surtout avoir à lutter, c'est-à-dire que l'ego de l'homme va être démoli surtout au niveau du plan de l'intellect, tandis que la femme va se voir attaquer surtout au niveau du plan de l'intuition. Et l'homme va donc canaliser ses énergies sexuelles vers la création d'un cortex neurologique suffisamment puissant pour pouvoir recevoir la connaissance qu'il va recevoir, tandis que la femme, elle, va canaliser son énergie émotive, l'énergie qui sert de... l'émotivité vers cette énergie supramentale. Alors, les mécanismes sont totalement différents. L'homme va vivre beaucoup plus au niveau de son mental, au niveau de son intellectualisme. L'ego de l'homme veut beaucoup plus dominer que l'ego de la femme. La femme, présentement, qui essaie de copier l'homme, la femme moderne qui est programmée par l'homme, qui veut être l'égale de l'homme, qui veut diriger et dominer sa vie, comme l'homme, ne peut pas arriver à vivre comme l'homme et ne passera pas par le même processus. L'énergie supramentale chez l'homme, lorsqu'elle descend, elle vient faire prendre conscience à l'homme que celui-ci est capable d'accepter des choses, mais que celui-ci surtout n'a pas le libre arbitre qu'il demande, qu'il exige, et que celui-ci surtout n'a pas besoin de passer par la phase mémorielle de connaissance pour arriver à être totalement ce qu'il veut être. On peut dire être tout court, être Dieu, être l'univers, être ce que vous voulez. Tandis que chez la femme, les mécanismes sont totalement différents. La femme va devoir vivre d'autres choses. Et on va surtout comprendre le mécanisme de l'intégration de l'ego de l'homme au niveau supramental lorsqu'on va expliquer la semaine prochaine le mécanisme de l'intégration de l'ego féminin. Premièrement, pour deux raisons. Parce que comprenant ce qui se passe chez la femme, on va mieux comprendre ce qui se passe chez l'homme, parce que l'homme fonctionne encore avec des critères de comparaison rationnelle. Et deuxièmement, parce que ce soir, j'ai jeté les bases même de l'évolution supramentale chez l'homme, donc on va pouvoir prendre plus de temps la semaine prochaine pour expliquer la déformation ou le contact ou la fusion supramentale chez la femme et automatiquement chez l'homme. Il y a d'autres questions encore sur la sexualité, mais je pense que tu as répondu tout à l'heure. À cause des polarisations différentes du mâle et de la femelle, est-ce que la sexualité telle qu'on la connaît actuellement ne constitue pas une énorme illusion? Je pense que tu as répondu un peu à ça. Oui, ça ne constitue pas une illusion en ce sens que c'est un mécanisme obligatoire d'expression de l'homme et de la femme. Alors, une illusion dans le sens de l'évolution, oui. Je dis souvent que lorsque l'homme, c'est souvent les femmes qui me posent cette question, qui posent des questions en conférence. Est-ce que dans le tantrisme, il y a une évolution? Dans le tantrisme, il y a une expérience évolutive qui ne sert que l'homme. Le tantrisme n'est pas une expérience évolutive qui sert la femme. Il va donner de l'illusion à la femme. Et aujourd'hui même, ce genre d'expression d'évolution est une illusion réelle parce que l'homme ne peut même plus évoluer présentement dans la relation sexuelle, même si elle est tantrice, même s'il n'y a pas d'éjaculation ou même s'il y a différents mécanismes. L'homme n'a pas besoin de ce mécanisme parce que présentement, l'évolution de l'homme ne se fera pas d'une façon tellurique, mais d'une façon solaire. C'est-à-dire que les énergies partent d'en haut, viennent chez l'homme et ne se font pas comme dans l'Antiquité, partant de la Terre pour monter vers la tête. Alors donc, présentement, au niveau évolution, la relation sexuelle est une farce. Au niveau de l'échange psychologique, pour l'homme, c'est bon. Et si pendant la relation sexuelle, l'homme donne de l'affection à sa femme, pour la femme, c'est bon. Ça rebalance le corps astral des deux bords. Exactement, à la condition qu'il y ait de l'affection pour la femme et de la sexualité pour l'homme, ça contrebalance. Sinon, le couple ne va pas, les choses ne vont plus, parce que la femme a besoin de recevoir des choses qu'elle ne reçoit pas de son mari, donc elle va aller recevoir cela ailleurs. Et l'homme a besoin de donner à sa femme des choses que la femme n'a pas besoin, alors il va le donner ailleurs. Qui est normal. Pour son évolution, l'homme nouveau doit-il transmuter son énergie sexuelle? Bon, l'appel, l'énergie sexuelle de l'homme est une énergie vitale comme celui de la femme, sauf par l'expression de polarité. L'énergie sexuelle de l'homme est une énergie qui doit, chez l'homme, être conservée. Tandis que chez la femme, par l'intermédiaire de son corps physique qui demande, elle ne peut pas être perdue, cette énergie sexuelle. L'homme peut gaspiller son énergie sexuelle, la femme ne peut pas. Alors, transmuer l'énergie sexuelle chez l'homme lors de la conscientisation, c'est un effet, un résultat tout à fait normal, où l'homme, transformant son énergie psychologique qu'il veut donner et son énergie physique qu'il veut donner, par la compréhension même des mécanismes, par l'intermédiaire de son cortex mental, de son corps mental et du contact supramental, automatiquement, l'énergie de la psychologie de l'homme n'ira plus manipuler sa sexualité vitale pour que celle-ci s'exprime régulièrement dans le sexe. Il faut bien comprendre ceci. Lorsque l'énergie vitale chez l'homme crée différents, l'énergie vitale dans la race humaine crée différents mécanismes. Premièrement, l'énergie de la vitalité chez l'homme qui est la vie, l'énergie de la vie dans le règne humain chez la race humaine, donc l'énergie qui par le sexe permet la procréation, permet de donner la vie. Et pas juste symboliquement. Hein? Lorsqu'on prend une personne qui a 40 ans, par exemple, ou un homme de 60 ans qui va engendrer avec une femme de 40 ans ou de 50 ans ou de 60 ans si elle n'a pas eu sa ménopause, un enfant qui, vitalement, est totalement neuf, qui a des cellules de bébé, qui a une peau de fesse de bébé, et tandis que les parents qui ont généré l'enfant ont une peau de personne vieillie, n'ont pas la vitalité de l'enfant. Par contre, ils sont capables de générer un enfant qui a la vitalité d'un enfant. Alors, cette énergie vitale qui s'exprime chez l'homme par la sexualité surtout, et c'est d'ailleurs pourquoi l'homme aussi a le spermatozoïde qui va déterminer du sexe de l'enfant tandis que la femme ne l'a pas. La femme peut être une cellule réceptive, mais l'homme donne l'énergie vitale pour pouvoir créer l'enfant. Alors, cette énergie vitale-là, donc, par laquelle l'homme s'exprime surtout, est une énergie qui est interdite biologiquement et intelligemment chez l'enfant tant que celui-ci n'a pas fini sa programmation de neurologique. C'est-à-dire que pendant la phase d'évolution du fœtus, les neurones chez le cerveau humain se créent à une vitesse folle. Mais les contacts neurologiques ne sont pas tous créés. Et jusqu'à l'adolescence, ces contacts vont se créer. Pour permettre la création d'un contact d'une cérébralité conventionnelle, normale, disons intelligente chez l'homme, par rapport à ce qui l'habite, donc à l'âme, à l'esprit, à tout ça, l'enfant ne peut pas avoir de sexualité tant qu'il n'a pas fini cette programmation. Et on a des problèmes présentement en France et dans d'autres pays avec les personnes qui mangent beaucoup de poulet aux hormones, où on a des enfants qui, à l'âge de 5 ans, ont des signes de sexualité secondaire et ils commencent à avoir un point de vue d'adulte qui va être totalement débile par rapport à la société, involutif, parce que l'enfant a commencé à avoir une sexualité qui va interdire cette programmation, disons, adéquate au niveau du cerveau. L'énergie vitale chez l'homme sert à la procréation de la vie et les neurones ont besoin d'une dose massive d'énergie vitale pour pouvoir s'entretenir. Présentement, on dit que lorsque les neurones sont mortes, lors d'un accident par exemple, ils ne se reproduisent pas. La médecine sait maintenant qu'ils se reproduisent, mais à une vitesse tellement lente que les cellules cicatricielles, les cellules de la peau qui ont besoin de moins d'énergie vitale, se reproduisent plus vite, interdisant la reproduction des cellules neurologiques et créant des masses solides au niveau du cerveau qui peuvent dégénérer en épilepsie ou en d'autres choses. Alors, les cellules neurologiques se recréent, mais elles ont besoin de plus d'énergie vitale que le reste du corps. De ce fait, si l'homme transmute sa sexualité, donc si l'homme... C'est pour ça qu'on parle de chasteté partout, qui rend l'homme intelligent. Ça m'a rendu plus fou qu'intelligent, parce que c'était pas naturel chez l'homme de limiter volontairement, par le vouloir de l'ego, l'expression de son énergie vitale. Mais ça se fait seul chez l'homme qui se conscientise, il en comprend les mécanismes, il en voit l'intelligence, et ça se fait facilement, où cette énergie cesse de s'exprimer par le corps sexuel, va commencer à aller reprogrammer, permettre la mutation neurologique chez l'homme, donc évidemment, il transmute sa sexualité. C'est pas de charge, hein? Là, tu vois, il y a bien des questions encore sur le couple. Alors, je pense qu'on va les mettre de côté. Il faudra faire une conférence là-dessus. De toute façon, le public peut régulièrement suggérer des thèmes. Présentement, c'est fait involontairement. Je vais te les donner. Puis exactement. Et on fera une conférence sur la fusion supramentale dans le couple ou sur le couple nouveau. Comment est vécue l'énergie dans le couple? Exactement. Okay. Encore une question sur la sexualité. L'homosexualité. C'est quoi ces polarités positives et négatives qu'on retrouve à la fois chez un homosexuel? Comment expliquer ça? Bon, ce genre de questions, je les répondrai surtout en séminaire, étant donné que lorsqu'il y a des personnes qui sont assujetties à ce mécanisme, si dans le public, ils ne peuvent pas comprendre complètement les réponses que je donne, ils peuvent se valoriser ou se sentir coupables parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec moi. Alors, ce qui fait que dans des choses comme ça, c'est comme de dire, par exemple, « Bon, j'ai le sida, pensez-vous que je peux évoluer? » La seule réponse que je peux répondre, ben oui. Parce que si je réponds non, puis qu'elle peut pas comprendre, il y a un gros problème. Si je réponds oui, puis que c'est faux, il y a un gros problème. Et il y a oui et il y a non. Il faut qu'on se parle. Alors, au niveau de l'homosexualité, dans un séminaire, une personne qui me pose cette question-là, ben là, je la prends à part, puis là, on va en discuter. Et on va en discuter à partir de ce qu'elle vit. Parce que l'homosexuel n'est pas l'homme, n'est pas la femme. Et ce n'est pas l'androgyne, et ce n'est pas l'homme nouveau, et ça peut être l'homme ancien, et ça peut être l'homme nouveau. Maintenant, ça dépend de comment énergétiquement il est. Alors, on ne peut pas répondre globalement à un mécanisme qui est ectopique ou parallèle à l'évolution de la masse présente. Maintenant, ça ne change rien dans l'évolution supramentale qu'un être humain soit homosexuel. Par contre, ça peut changer des choses dans le temps au niveau contact supramental s'il a une désharmonie réelle, et il n'en a pas nécessairement une, entre ses corps. Alors donc, il y a des homosexuels qui n'ont pas de problème, il y en a qui ont des maudits problèmes. Je parle au niveau d'évolution. Ils ont tous des problèmes au niveau social. Je parle au niveau d'évolution. Et ils ont des problèmes au niveau social parce que l'homme normal a des problèmes, lui aussi. Bon, alors disons qu'une question comme ça, on la prend et on la décortique, surtout en face à face. Ça pourrait aller dans une conférence sur le couple aussi, ça? Oui, mais ouais. Encore là, je n'irai pas profondément dans l'homosexualité en conférence publique. OK, ben on va la mettre là quand même. Ici, une question qu'on te demande ici. Lorsque tu parles de changement neurologique, à quoi fais-tu allusion? Changement neurologique? Bon, alors je fais simplement allusion à une réorganisation complète des mécanismes du cortex cérébral. Cela veut dire que lorsque l'homme a une mutation psychologique, ce que l'homme est en train de vivre présentement, l'homme a des nouveaux points de vue psychologiques, l'homme magasine des religions, l'homme se promène, l'homme recherche, l'homme pense. L'homme commence à vouloir comprendre, donc il y a une mutation psychologique. Et on sait très bien que lorsque l'on prend de l'alcool, on transmute notre psychologie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à exprimer notre psychologie comme si on ne prend pas d'alcool. Juste cela pour vous faire bien comprendre que le corps physique détermine l'expression de la psychologie. D'où l'intelligence d'être en santé, de l'entretien du corps physique, etc. Lorsque je parle de mutations neurologiques, je fais allusion à une masse incroyable de neurones qui présentement ne servent pas et à une autre masse incroyable de neurones qui servent, mais qui servent mal, l'expression de l'intelligence chez l'homme. Et ces neurones, ce sont des cellules qui s'interrelient l'une l'autre Et de temps en temps, on a jusqu'à quelques 100 000 et même 1 million de neurones qui s'interrelient pour permettre le passage d'une information vibratoire d'un neurone à un autre. Et lorsqu'il y a réorganisation ou reprogrammation neurologique, il y aura des contacts neurologiques, donc disons dans ce 100 000 neurones, qui vont être brisés pour que la neurone qui veut communiquer l'information la communique directement à celle qui doit recevoir l'information, au lieu de passer par un paquet de neurones d'une façon inutile. Ceux qui ont l'esprit lent ont souvent des programmations neurologiques trop longues. Et ceux qui ont l'esprit plus vif ont souvent des programmations neurologiques plus courtes. Donc, c'est plus rapide. Et plus l'homme a une programmation neurologique courte, plus l'homme est capable de vivre dans l'instantanéité un fait. Parce que lorsque le fait passe, avant qu'il intègre le fait parce qu'il a une conduite neurologique trop longue, le fait est passé. Ce qui tend à créer la mémoire facilement chez l'homme, parce que le fait étant passé, l'homme va vivre dans sa mémoire l'expérience qu'il devrait vivre dans le présent. Et cette mutation, elle existe déjà, elle est déjà opérationnelle, elle est évidente, la médecine commence à se rendre compte. Ce que je vous dis là, les médecins ne le savent pas encore, mais à un moment donné, ça va venir. Mais par contre, ils comprennent très bien qu'une personne qui va avoir une paralysie cérébrale suite à un ACV, un accident cérébrovasculaire, une personne qui voit donc une partie de son cerveau détruite par un manque de sang, un blocage sanguin au niveau de son cerveau, elle est capable, cette personne, lentement par le travail, elle est capable de réorganiser de nouvelles neurones qui n'ont pas été détruites de façon à recommencer à travailler. Mais parce que l'homme se repose au premier résultat, normalement, il ne revient pas complètement. Alors, la médecine accepte ce genre de choses et veut pas, de toute façon, à un moment donné, ils vont accepter d'autres choses. Et donc, quand je parle de mutation neurologique, je parle d'une mutation biologique qui va s'opérer chez l'homme pour permettre à l'homme d'exprimer d'une façon différente ses énergies intelligentes. Est-ce que c'est au contact de l'énergie supramentale dont tu parles que ça se réalise, ça? Le contact avec l'énergie supramentale va faire en sorte que l'ego chez l'homme et chez la femme va dynamiser on a vu dans le mécanisme de la réingurgitation de l'ego au niveau des mémoires volatiles, et va surtout permettre à l'énergie de la vitalité sexuelle de pouvoir se diriger vers le centre laryngé qui va ouvrir la parole à l'homme nouveau, parce que la parole dans le siècle qui vient est d'or et non pas d'argent. Et il va aussi permettre la réorganisation, la restructuration de tout le contexte neuronique au niveau du cerveau. Donc, l'énergie supramentale, de par sa nature, ne peut pas travailler le corps physique. Par contre, elle va, de par sa nature, obliger l'énergie vitale à venir transformer le corps physique, ce qui va amener la neuromutation. Après une réponse comme ça, j'ai du mal à te poser la question qui s'en vient, là. C'est quoi les choses inédites que tu veux nous faire comprendre? Sans doute toutes les choses que la personne n'a pas compris. C'est peut-être quelqu'un qui est comme moi, qui a une programmation neurologique lente. Tu sais. Moi, j'ai un cerveau lent, comme ça. Et comme tu expliquais, que les événements, lorsqu'ils arrivent avec une programmation comme ça, tu t'aperçois que quand ils sont passés, c'est mon cas à moi. Moi, je découvre que j'étais malade que quand je suis guéri. Avec toujours, j'ai un temps de retard. Alors, je fais juste une remarque sur ce que tu viens de dire, ce que j'ai dit avant. Donc, il y a des personnes qui rient, mais ce que tu dis est extrêmement important. C'est terrifiant, c'est épeurant, bien pire que Satan, ça. Parce que ça, c'est vrai. Tu le vis. Et la personne, tant qu'elle n'est pas guérie, ne sait pas qu'elle est malade, donc elle ne fait rien pour se guérir. Et qu'est-ce que c'est la santé chez l'être humain? Tout le monde ici est en santé. Mais tout le monde ici n'est pas en santé. Et lorsque je dis ici que les choses inédites, j'ai bien dit, parce que j'ai dit d'autres choses, les choses inédites ici que tu veux nous faire comprendre, j'ai dit tout ce que la personne n'a pas compris. Et on rit un peu, mais c'est aussi quelque chose qui est... Je n'ai pas répondu pour passer la question. J'ai répondu hautement sérieusement à la question. Parce que tout ce qui n'a pas été compris ne peut pas être inédit, parce que ça n'a même pas été vu, perçu. Alors, évidemment, ce que la personne va comprendre, une personne qui pose une question comme ça, et quelle que soit l'apparence qu'elle se donne au niveau égoïque de compréhension, une personne qui pose une question comme celle-là est une personne qui a beaucoup de mémoire et qui a peut-être certaines connaissances qu'elle a apprises ailleurs, et elle les mémorise. Et là, elle a comparé ce que j'ai dit à ses mémoires. Et tout ce qui n'était pas comparable, elle n'a pas eu le temps de le percevoir. C'est évacué. Et c'est évacué. Et c'est ce qu'elle n'a pas compris qui était inédit. Peut-être elle a simplement voulu voir comment tu réagissais aussi psychologiquement à ce genre de question. Officiel, mais j'explique simplement le principe même de cette question. Et vous pouvez fouiller dans les livres, ce n'est pas écrit. Certains vont dire, oui, mais le Nazaréen a déjà dit, parfait, mais j'ai expliqué mauditement mieux que n'importe quelle personne va être capable d'expliquer ce qu'il a dit. Si on dit, oui, mais dans tel livre, j'ai déjà vu des choses qui ressemblent à ça. Parfait. Maintenant, tu trouves que ça ressemble à ça. Maintenant que j'en ai parlé. Pas avant. Parce que c'est inédit. Et je tiens à préciser que c'est inédit, non pas pour me valoriser, parce que plus ça va aller, plus ce sera des choses inédites, sauf si un autre ou un autre ou un autre conférencier parle avec la même énergie, il donne de l'inédit. Alors évidemment, je ne fais pas référence à un autre ou un autre qui fait un travail similaire. L'énergie supramentale, il n'y a pas d'exclusivité là-dedans. Exactement. Je parle au niveau de l'énergie humaine. Il n'y a pas de livre écrit de choses que j'ai dit. Même Aurobindo ne l'a pas écrit parce que ce n'était pas intelligent de l'écrire. Il le savait. Mais parce qu'il le savait, il a fait ce qu'il devait faire. Il était écologique. Il a même poussé un peu aussi par rapport à l'humanité. C'est présentement qu'on commence à comprendre. C'est pas son époque. Hein? Alors donc, les choses inédites, plus ça va aller, plus il y a d'hommes qui vont amener des choses inédites. Et je tiens à préciser ce mécanisme pour que si un jour vous dites des choses que vous ne savez pas d'où ça vient, que ça vous paraît intelligent, pensez pas que vous êtes fou. Vous êtes naturel, tout est parfait, et c'est l'apanage de l'homme nouveau de dire des choses qu'il ne connaissait pas. Et inédit veut dire des choses aussi que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu as lu ça quelque part? Non. T'as entendu? Non. Mais d'abord, qui c'est qui te dit que c'est vrai? Je le sais. Puis ça, tout le monde va finir par arriver par cet état de savoir. Ils vont le savoir vibratoirement, ils vont y goûter. C'est inédit. Et je veux en parler parce que l'homme refuse de vivre cet état de choses. Je n'en parle pas pour moi, j'en parle pour vous autres. Parce qu'à un moment donné, vous allez dire des choses, vous allez faire des choses et vous ne vous retrouverez pas. Simplement parce qu'à partir des concepts de l'homme, il doit faire des choses qu'il a appris. Ça, je le sais pas. Je peux pas le faire. Mais ça, tu le sais pas, puis fais-le. Tu vas apprendre. Et plus tu vas croire que tu vas apprendre en le faisant, plus tu vas le faire parfaitement quand tu vas le faire. C'est évident. Bien. Écoute cette question. Que pensez-vous de certains individus qui, sous prétexte de nous faire évoluer en nous montrant de nouvelles techniques, qui le font par amour, mais qui coûtent entre 150 et 400 $ pour ces techniques? Bon. L'amour et l'argent. Voilà. Le prix, c'est important qu'une personne paie. Pour la simple raison que la personne qui a des techniques le fait pour elle. Et elle va dire qu'elle le fait par amour parce qu'elle a été programmée comme ceux qui vont le suivre. Donc, si moi je dis que par amour, je vous aide, j'ai fait des conférences, c'est parce que je sais, parce que je comprends, que la majorité des hommes veulent se faire aider seulement si le maître les aime. Mais moi, je ne fais pas un travail pour aider personne. Je ne fais pas un travail par amour psychologique non plus. Je fais un travail parce que je comprends des mécanismes et parce que moi, je fais ce travail parce que moi, j'en ai besoin. Parce que j'apprends, parce que je parle. Et je suis donc totalement égoïste dans le sens de la moralité conventionnelle. Et vous, vous êtes ici pour vous autres. Vous êtes donc aussi égoïste que moi. Et au niveau d'homme nouveau, vous êtes aussi intelligent que moi. Bon. Et automatiquement, on fait un échange. La personne qui a des techniques, la personne qui passe son temps, la personne qui travaille, est-ce qu'elle devrait donner des choses gratuitement? Tu as déjà fait l'expérience, François, où tu donnais des cours qui avaient quand même une certaine valeur à l'époque? Où j'étais dans une conscience spirituelle, je faisais ça gratuitement. Exactement. Et quand tu as monté ça à 120 $, tu as eu plus de monde sérieux, plus de monde intéressé, et le monde venait fréquemment. Je perdais plus mon temps, eux non plus. Exactement. Alors, ça t'a permis de faire quoi? Ça t'a permis, premièrement, d'arrêter de faire du temps supplémentaire à tout partout, d'arrêter de vendre les jouets de tes enfants pour pouvoir continuer par amour à faire un travail. Tu as monté ça à 120 $ et tu as commencé à acheter des nouveaux jouets à tes enfants. Tu as commencé à aller dormir un peu comme tout le monde. Tes cours étaient meilleurs parce que tu étais en meilleure forme. Motivé. Et motivé et tout ça. Et à un moment donné, ta femme, elle a commencé à penser que c'était au moins intelligent parce que Christy a commencé à manger elle aussi. Dans l'ésotérisme, avec une conscience spirituelle, c'est difficile de vivre. C'est surtout de ça qu'il faut se débarrasser. Évidemment. C'est pas tellement le point de vue que c'est plus ou moins efficace. Non, mais là, je vais y en arriver. Spirituel-là. Ah, effectivement. Mais quand même, c'est intelligent que l'homme crée un échange d'énergie lorsqu'il fait quelque chose. Alors, si, par exemple, on va dans une école, prenons un exemple, la méditation transcendantale. Quelle est bonne, quelle est mauvaise, ça n'a aucune importance, c'est à la personne qui va là de le déterminer. Alors, on va charger jusqu'à 5000 $. Maintenant, est-ce que c'est exagéré? Bien, si ça te rapporte pour 5000 $, c'est pas exagéré. Si ça te rapporte pour 52 cents, puis que tu as payé. C'est pas la faute de la méditation transcendantale, c'est de ta faute à toi. Et si ça te rapporte pour 6 000 $, tu es en dette énergétique, pas moralement, mais il va falloir que tu fasses quelque chose, sinon karmiquement, tu vas finir par payer pour. Alors, il y a un échange d'énergie. La personne qui ne vit que par amour, qu'elle ait la connaissance ou non, d'ailleurs, elle a une connaissance limitée, si elle vit que par amour, mais elle peut avoir une connaissance quand même, elle ne pourra pas la communiquer longtemps si on ne l'aide pas à vivre. Ça, il y a un débalancement dans l'énergie, dans le rapport, là. Exactement. Alors, on ne peut pas dire, ben oui, mais vous chargez 7 $ pour les conférences, et lorsque vous avez reçu gratuitement, vous devez le donner gratuitement. Parfait. Vous avez la vie gratuitement, puis vous payez les médecins. Hein? Bon, vous faites plusieurs choses que vous avez gratuitement et vous le dilapidez. Alors, moi, ce que je fais ici, c'est que je permets, dans un échange énergétique, ça me permet, moi, de pouvoir faire un autre travail qui me permet à moi de pouvoir venir m'asseoir ici en avant, au lieu d'être assis avec vous là, et de pouvoir faire un travail que vous n'avez pas le temps de faire parce que vous êtes occupé à faire d'autres choses. Alors, si je fais le même travail que vous, je m'assois avec vous ici et j'écoute un autre. Et je vais payer pour que l'autre puisse continuer à travailler dans le sens où il fait. Et si à un moment donné, on a un séminaire, la personne qui vient et qui vient juste têter de l'énergie, et elle s'en va, moi j'ai perdu mon temps avec. Et j'ai perdu de mon énergie parce que c'est moi qui parle, c'est moi qui travaille énergétiquement le travail. Alors que vous fassiez des meubles et que vous rentiez chez vous fatigué, vous allez dire, mon patron, il me vole parce qu'il me donne juste 5 $ de l'heure. Alors moi, je travaille moins. Mais c'est un rapport d'énergie. C'est tout à fait normal qu'une personne qui risque sa vie régulièrement ait un peu plus d'argent parce qu'énergétiquement, elle doit vivre le temps qu'elle ne vivra pas. Elle doit le vivre un peu mieux. Que ce soit un policier, que ce soit n'importe qui dans le genre. C'est tout à fait normal. Alors, si on parle au niveau d'un échange d'énergie en termes d'amélioration ou d'évolution, alors là, c'est la même chose. Moi, je donne mon énergie à la condition que l'être veuille bien la recevoir. Et si l'être veut travailler réellement sur lui, il va se découvrir. Et s'il vient juste pour passer le temps, pour avoir de l'émotion, pour avoir un trip spirituel, quand il va s'en aller, je n'aurai pas perdu mon temps. Parce qu'il va avoir payé pour. Donc, il y a un échange d'énergie. Et lorsque cet échange d'énergie-là est fait intelligemment, l'énergie de l'argent qui serait donné doit servir à la même énergie. Moi, cet argent-là, ne va pas dans mes poches. Je ne peux pas payer pour faire mes conférences, puis je ne peux pas payer pour faire mes séminaires. Par contre, je permets à un endroit d'exister, qui est le centre de l'universalité. D'autres conférenciers font la même chose, ils ne sont pas plus payés que moi. Et on a un échange d'énergie équitable qui me permet de faire d'autres choses et qui permet au centre d'exister pour pouvoir faire quelque chose d'intelligent, de constructif. Alors, c'est tout à fait normal qu'on graisse un gourou ou qu'on graisse un endroit ou qu'on donne parce qu'on comprend l'intelligence de l'échange d'énergie. Parce que c'est sûr que lorsqu'on regarde un appareil que tu achètes, qui coûte 50 cents à produire, et que toi, tu payes 50 $, tu te plains. Mais ça permet à combien de personnes de pouvoir travailler pour te le fournir et de pouvoir vivre? Alors, c'est sûr que si tu es exploité, c'est ton affaire. Mais tu es exploité par rapport à ce que tu reçois. Si quelqu'un, par exemple, le séminaire PMC, il coûte de l'argent. On l'a déjà fait pas cher. Ça valait rien. On a juste augmenté le prix. On n'a rien changé dans le cours. Ça vaut mauditement plus. C'est extraordinaire. Mais là, la personne, elle prend ça sérieusement. Il y a un échange d'énergie. Moi, j'ai passé tant de temps à ramasser mon argent. Je vais donc essayer au moins de récupérer l'énergie que j'ai mis dans le travail pour avoir l'argent dans un séminaire. Et ce qui est tout à fait normal, la personne se prend en main. C'est normal qu'elle paye. C'est sûr qu'à un moment donné, si une personne paie et qu'elle n'a pas l'énergie, comme le centre ici, c'est pas compliqué, une personne qui s'engage dans n'importe quoi, que ce soit le séminaire de Gématria, que ce soit n'importe quoi, si elle n'est pas satisfaite à son goût, elle va voir Mario Gosselin et elle lui dit « je suis pas satisfait ». Mario lui demande « alors, je te rembourse ou bien non, tu veux poursuivre, puis on a des moyens d'arrangement. Mais j'aimerais mieux être remboursé. » Parfait. On veut même pas savoir pourquoi, on veut aucune raison. C'est son affaire. Si elle vole, qu'elle vole, c'est son affaire. Elle se coupe les portes, c'est son affaire. Et nous autres, on rembourse, on veut même pas savoir pourquoi. Elle envoie une lettre, elle veut être remboursée, elle reçoit un chèque par le retour de courrier, on veut rien savoir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas construire si on commence à voler, il doit y avoir un échange d'énergie. Tu es venu, tu n'as pas reçu ce pourquoi tu as donné, alors on te remet ce qui te manque. Et si tu as reçu, c'est parfait, on travaille ensemble. Mais ici, au centre, on comprend l'intelligence de l'échange d'énergie, tandis que la majorité des êtres qui le font par amour ne le comprennent pas. Alors, il y en a qui sont pauvres comme c'est pas possible, puis il y en a qui sont milliardaires comme c'est possible. Alors, de toute façon, c'est pas en allant au PMC qu'on va faire un trip spirituel. Hein, les gens qui cherchent un trip spirituel, c'est pas là qu'ils vont trouver. Ils vont chercher un remboursement. Par contre, s'ils veulent travailler, puis ils sont prêts à se prendre la main, puis etc., il va se passer des choses. C'est sûr. L'homme nouveau ne croira pas aux horoscopes, par exemple. Est-ce que ça veut dire que l'horoscope n'est pas vrai? Non. Non. L'homme nouveau ne croira pas tout court, premièrement. Donc aux horoscopes, entre autres. L'horoscope, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne à maudit. La seule chose qu'il y a, c'est que les astres, lorsqu'ils sont bien interprétés, parce qu'évidemment, à l'horoscope, il faut bien comprendre que le phénomène de manipulation des astres sur la psychologie de l'homme, surtout, c'est vrai. Sauf que l'interprétation que l'on en fait pour déterminer les manifestations, les influences dans la psychologie de l'homme, ça peut être plus ou moins juste, puis plus ou moins injuste. Mais ça ne change rien à la manipulation des astres. Lorsque je faisais d'ambulance, on savait très bien que dans certaines époques de l'année, et surtout au niveau des pleines lunes, donc des changements lunaires, on avait beaucoup plus d'appels, de tentatives de suicide. Alors la personne ne regarde pas le calendrier. Ah ben merde, c'est en pleine lune, crime, faut que je me suicide à ce soir, moi là. Fait que là, on s'ouvre les veines, puis après ça, le téléphone, demander de l'aide. C'est ce qu'ils font. Ils se laissent aller, et au fur et à mesure que les astres se promènent, leur degré d'énergie psychologique tend à s'en aller vers une dépression, donc ils en manquent. Et à un moment donné, leur ego n'en a plus suffisamment autour d'eux, ce qu'on appelle une dépression, il en manque. Et ils vont être poussés à être manipulés par des formes astrales extrêmement basses. En l'occurrence, le suicide ou ces choses-là. Prendre de la boisson, se droguer, se chicaner, etc. Alors, ça fonctionne. Sauf que l'homme nouveau, par la transmutation de son énergie émotive, de son énergie astrale, de son énergie psychologique en énergie supramentale, n'est plus assujetti au mouvement des astres. Donc, il ne peut pas être assujetti à l'horoscope. Ce qui fait que pour l'homme nouveau, il n'a pas de signe de naissance, il n'a pas de caractère de naissance, il n'a pas d'ascendant au niveau de l'astre. Il n'est pas relié à l'astrologie, ni à la psychologie. Alors, il est beaucoup plus relié à l'astrogonie, si on peut dire, à l'astrosophie, à la psychosophie et à la psychogonie, qui est un rapport non plus entre l'astre et entre les interrelations des astres sur l'homme et sur la planète Terre, mais c'est des relations qui vont être beaucoup plus cosmiques que planétaires ou astrales dans le sens des astres. Alors, l'astrologie, ça fonctionne. Est-ce que l'astrologue donne une bonne interprétation? Ça vous regarde et ça regarde l'astrologue. Mais c'est évident qu'elle est manipulée par les astres pour différentes raisons, sur lesquelles on pourra revenir. De toute façon, on n'aura pas le temps. D'ailleurs, c'est évidemment pas le temps, c'est fini. Mais l'homme nouveau sait que ça fonctionne, sauf que lui en est libéré. Et vous ne devez pas lire vos horoscopes. Parce que tant que vous allez vous assujettir à savoir ce que vous devez faire, vous n'arriverez jamais à décider vous-même et à vous prendre en main. Alors que ça marche ou non, c'est pas la faute des astres. C'est la faute de l'homme. C'est un désastre pour l'homme. Daniel, on te remercie beaucoup. Merci.